Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Baggio, l'émission 100% foot. Les Brésiliens sont en blanc, à Mehdi Pelé. Ça débute, fabuleux. On retraite, c'est bien fait. Allez mon petit bonhomme. It comes for Cantona! I don't believe it! La frappe de Neymar! Quel but! Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille! Et salut à tous et bienvenue pour la nouvelle saison de la bande à Baggio. On se retrouve hein, parce que la Ligue 1 et même beaucoup d'autres championnats ont repris leurs droits ce week-end. Hein. Pour la Ligue 2, ça a repris la semaine dernière. Mais voilà, on va parler, je suis avec Gabi ce soir. Bah, salut Gabi. Salut Nico. Et on va donc parler de la Ligue 1 ce soir. On parlera aussi peut-être un petit peu de la Première Ligue avec les matchs qu'il y a eu, la première journée qui s'est déroulée ce week-end. Mais on va revenir à la Ligue 1, notre bonne vieille Ligue 1. Hein, ça s'appelle comment ? La Ligue des Talents. Ah, hein, c'est pas mal, hein, comme... Ah, mais ils ont plein d'idées comme ça dans leur sac, là. Faut pas qu'ils se gênent, hein, faut qu'ils continuent. La Ligue 5 étoiles, non, la Ligue des Talents, voilà. Bon, c'est une nouvelle grosse connerie qui a voulu sortir notre chère présidente de la LFP. Hein, on va pas la contredire. On va bien voir s'il va y avoir du talent cette année. Hein, on va commencer avec le match inaugural hein, de cette nouvelle saison de Ligue 1 avec Marseille qui recevait Toulouse vendredi au stade Vélodrome, un Vélodrome plein. Et juste avant de parler de ce match, on va revenir un petit peu sur l'avant-match. Hein, on en a parlé hors antenne avec Hervé Matou qui était sur le bord du terrain, hein, frais comme un gardon. C'est vrai qu'il était en forme. Et à un moment, alors t'as vu le match ou pas vendredi? Ouais, j'ai regardé, on va dire, jusqu'à ce que l'OM enfonce le clou, pas jusqu'à la fin. Mais, ouais. Mais non, j'ai vu une bonne partie du match. Ouais. Alors je sais pas si t'as remarqué un moment, donc t'as c'était Paganelli qui était en train de commenter, qui est en train d'interviewer Rudy Garcia. Et là, Paganelli lance... dis donc, moi, cette Coupe du Monde, franchement, j'ai adoré tes commentaires. Déjà, c'était une grosse pique pour Hervé Matou. Il s'en est pris, mais plein la gueule. Ouais. Déjà, rien du début comme ça. Et tu vois qu'après, Hervé Matou, à un moment où il devait reprendre la parole, il savait plus trop quoi dire, quoi, en fait. C'était assez marrant, ça. Et voilà, donc il y a eu la présentation de la Coupe du Monde par les joueurs qui ont joué, enfin qui ont gagné la Coupe du Monde, parce que Rami il a pas joué une minute. Hein, ça s'est passé aussi à Lyon et à Paris. Hein, bon, c'est une bonne initiative, c'est sympa quoi. Ouais, bien sûr, c'est une bonne initiative pour la promotion de la Ligue 1, comme a dit Nathalie de Bois-Latour là. Ouais. À travers le monde en disant que c'est la ligue des champions du monde, mais ouais. Bon, c'est de la com tout ça, parce qu'on sait très bien que voilà, les joueurs titulaires et les, enfin, mis à part Mbappé peut-être qui est en France, mais les autres qui sont à l'étranger, hein, N'Golo Kanté en Angleterre, Griezmann en Espagne, etc. Non, mais c'est, par contre, moi je me demandais vraiment si c'était une des répliques de la Coupe du Monde qui a été donnée sur tous les terrains pour plusieurs joueurs, parce qu'on l'a vu à Paris le soir même, cette Coupe, avec Bois-Latour qui était là aussi. Donc finalement, c'était la même réplique, je pense, pour les... qui a été montrée à la télé. Je me suis dit, ils vont filer une Coupe du Monde différente à tous les joueurs pour qu'ils la montrent à la télé. Mais finalement, on s'est retrouvé avec la même réplique. Donc, la même réplique. Et alors attention, c'est qu'à un moment, t'as Paganelli qui est en train d'interviewer Mandanda, Rami, et puis ils étaient tous les deux. Hein, parce que, et puis, ils étaient tous les deux parce que Thauvin était sur le terrain. À un moment, Tapaga, il fait semblant de vouloir l'embarquer avec et de se barrer avec. Et là, t'as un espèce de gars du comité de sécurité qui est presque venu le choper et t'écoute. Non, rendez-la. Tu vois, comme si, ouais. Ça devait être, c'est une réplique, mais elle doit quand même, peut-être avoir moins de cara que la vraie, mais, faut pas rigoler avec ça, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais de toute manière, toute manière, on a vu des joueurs assez heureux de montrer cette Coupe du Monde, hein, que ce soit à Paris. Moi, j'étais étonné qu'ils aient pas été alignés non plus pour le premier match, parce que finalement, tu vois que Adil Rami, il a toujours pas soi-disant récupéré alors qu'il a pas fait de match. <C'est vacances. rire> tu vois aussi Fekir qui joue pas, tu te demandes pourquoi. Alors, il y a sûrement un transfert il faut pas qu'il se blesse. C'est possible. Et à Paris, Mbappé qui joue pas, alors que le feu vert avait été donné pour le staff médical parisien. Enfin, c'est un peu dommage que ces joueurs-là, finalement, étaient seulement en représentation et pas sur les terrains dès le premier match. Voilà, donc on va revenir au match en lui-même. Hein. Donc, Marseille qui se présente avec la même équipe que l'année dernière. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, hein. C'est presque le même type, l'équipe type de l'année dernière, avec une attaque en pointe avec Valère Germain. Alors pour moi, hein, les 45 premières minutes, juste avant le penalty, je me suis vraiment fait chier. Ouais. Y a pas d'autre mot. J'ai même envoyé à mon pote un message en disant, franchement, il arrive quand le grand attaquant ? Parce que là, c'est vrai que le mercato pour le moment de l'Olympique de Marseille, il est assez pauvre quand même, hein, à part l'arrivée du jeune croate en défense. Le reste, ils ont pris un mec de National 2, c'est tout, hein. Franchement, c'est vraiment pauvre. Alors j'espère vraiment, de la part des dirigeants qui sont vraiment sur d'autres joueurs. Alors le grand attaquant, ils disent que j'ai écouté dire que Garcia, il n'y en a pas besoin, on a déjà assez de monde en attaque. Je suis désolé, mais malgré qu'il y a eu 80 buts de marqués l'année dernière, enfin, quand t'as regardé la première période, tu vois quand même qu'il y a encore des gros soucis niveau attaque, quoi. C'est la même équipe, hein, de toute manière, qui va faire la moitié de saison pratiquement sur la lancée de la dernière saison. Je pense que l'OM a une équipe vraiment pour rivaliser avec le quatuor de tête, mais rivaliser avec le show quand même. Ouais, mais pourquoi pour être troisième ou quatrième, c'est tout. Moi, je pense que de toute manière, tu auras pratiquement la même saison que l'année dernière. Ça va être difficile de faire mieux. Hein. Ils ont fait une très bonne saison l'année dernière. Ils ont fait une très bonne saison. Il va y avoir peut-être trois bons matchs là au début, puis ils vont se péter la gueule encore une fois avec deux, trois défaites d'affilée. Et après, ça va sûrement remonter, j'en sais rien, je sais pas trop. Alors, il y a l'histoire aussi avec Balotelli, est-ce qu'il va venir ou est-ce qu'il va pas venir? Je trouve que ça commence vraiment à faire long. Alors, le président de Nice a dit que Marseille avait pas fait une assez belle offre, mais il y a aussi l'agent de Balotelli, Mino Raiola, qui souhaiterait être quand même beaucoup mieux payé, en fait. Je pense que c'est plutôt ça, et franchement, ça commence à bien faire. Au bout d'un moment, il faudrait que Marseille dise on n'arrive pas à avoir d'accord, et tant pis, on va sur quelqu'un d'autre, quoi. Parce que là, le dossier Balotelli, je trouve que ça fait un peu trop long, quoi, maintenant. Mais de toute manière, connaissant Balotelli, est-ce que sincèrement, c'est un joueur d'avenir pour l'OM? Je pense pas. Hein. Je pense que vu que c'est un joueur Puma qui est sponsorisé par Puma a voulu. Faire un grand coup et dire à Balotelli d'aller à l'OM pour que faire valoir les joueurs qui sont sponsorisés par Puma. Je suis pas contre qu'il vienne à Marseille, je pense qu'il peut apporter des trucs, mais c'est pas un joueur d'avenir, Balotelli. Je pense que c'est plus un joueur qui va sur le déclin maintenant. Ouais, sur le déclin, et surtout qu'il risque de plomber l'effectif de manière collective si jamais... il fait un match sur trois ou qu'il n'ait pas envie de jouer, qu'il aille c'est ça, le en truc, soirée quoi. C'est ou ailleurs. On voit un petit peu ce qu'il a fait avec Nice. Il y a certains matchs où il n'a pas joué, c'est pas parce qu'il était blessé ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'avait pas du tout envie de jouer, quoi. Mm-hmm. Bon, c'est pas très professionnel, ça, hein, malheureusement. Hein. Non, mais c'est typique, ce joueur. Donc, après, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'à l'OM, on se retrouve juste avec Valère Germain en attaque et... ça va être difficile la saison. C'est vraiment très très limité, quoi. Puis Valère Germain a encore loupé énormément de choses en première période. Ça m'a un petit peu gavé, quoi. Donc voilà. Hein. Et on arrive donc à cette 45e minute de jeu où y a une action litigieuse dans la surface avec une main d'un joueur toulousain, pardon. Et donc, et la première fois que l'arbitre utilise, parce que c'est cette année hein, que la VAR a fait son apparition en Ligue 1, premier match et première fois que l'arbitre va utiliser la VAR et qui va donner raison à l'OM pour cette main dans la surface. Bon, il n'y a pas à crier scandale, hein, la main alliée, hein, de toute façon, hein, je pense que... C'est exactement la même action que contre la Croatie avec la France. Voilà, ouais. C'est la même action, donc sincèrement, tu la siffles en finale de Coupe du Monde, comment tu peux pas la siffler en Ligue 1 ? Tu vois ce que je veux dire ? Là, la décision est beaucoup plus dure à prendre en finale d'une Coupe du Monde, et... Et si en Ligue 1, la même action, tu la siffles pas, c'est que vraiment, elle aura jamais dû te siffler en finale de Coupe du Monde. Donc. Ah, voilà, exactement. Donc, bon, bah, là, il y a penalty que va transformer Payet. Il y a 1-0 à la mi-temps, mais franchement, c'est pas du tout convaincant, hein, cette première période. Et finalement, après le match, il va se débrider. On voit des Toulousains assez énervés sur le terrain. Hein. Il va y avoir pas mal de cartons pour les Toulousains. Il y aura des gestes assez chauds, des tacles pas très bien maîtrisés de la part des Toulousains. Et puis Marseille va dérouler, et puis va mettre 3 buts, hein, en seconde période. Même Valère Germain va marquer son but. Mais bon, pour moi, c'est 4-0 parce que Toulouse n'a pas été très bon vendredi dernier. Mais je trouve que quand même, Marseille, il y a encore l'attaque qui prêche, quoi. Et ça va être le gros défaut de cette année. Hein. Il suffit que, comment dire, ils n'arrivent pas encore une fois à battre les gros du championnat comme Paris et d'autres. Ça va être malheureusement avec cette équipe-là, tu peux pas battre les gros. Hein. Monaco, Paris, Lyon, ça va être difficile, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Monaco, Paris, Lyon, ça va être difficile avec une attaque comme ça, quoi. S'obstiner à, mais c'est ça, c'est ce qui m'énerve avec Garcia, c'est qu'il s'obstine à vouloir mettre 15 joueurs devant, quoi. Ça, c'est chiant, quoi. C'est que c'est pas une composition. Cette composition-là ne va pas pour gagner des matchs. Bon, là, ça a marché parce que c'est Toulouse en face, hein. C'est faible Toulouse, hein. Ah, c'est très faible. Ça a été très très faible, hein, vraiment, vendredi, voilà. Hein. Mais t'as pas l'impression de ça, c'est que cette année, le fossé va être encore plus grand entre les derniers et les 4 ou 5 premiers du championnat. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Franchement, les 4 premiers, il va y avoir beaucoup d'avance sur, énormément d'avance sur le 5e. Quoi. Et je pense que il va y avoir le ventre mou, il va être loin, mais très très loin. Quoi. Ouais. C'est impressionnant, quoi. Hein. Ah, c'est vrai qu'il faut, après, faut jamais se fier au premier match, mais les impressions qu'on a par rapport aux effectifs l'année dernière, là, ça va faire mal. Regarde, les attaquants, ils ont Toulouse qui a acheté le frère de Batshuayi, qui a été très mauvais à Marseille. Ouais. Je vois pas ce qu'ils vont lui donner comme crédit à Toulouse, quoi. Hein. C'est pas, j'ai pas l'impression que c'est un bon joueur, ce mec. Hein. Ouais, bah écoute, hein, Toulouse, hein, c'est une équipe en reconstruction, un peu comme le Stade Malherbe de Caen qui s'est ramené au Parc des Princes, entre guillemets, avec 7 ou 8 joueurs qui n'étaient pas là l'année dernière. Oh, c'est catastrophique. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Mais, on en parlera tout à l'heure, mais franchement, c'est vraiment catastrophique. Tu vois Nantes aussi également contre Monaco. Il y a vraiment un fossé énorme entre les équipes qui veulent essayer de faire du football et essayer d'aligner 3 ou 4 passes dans le camp opposé, c'est ça l'important. Parce que faire des passes dans son camp, ça n'a jamais fait peur à qui que ce soit. Hein. Donc, c'est je veux dire, la possession de balle qui est, comme on dit, qui est sans danger pour l'adversaire, ça n'a aucun intérêt. Hein. Les statistiques, c'est bien juste pour Canal+, et les informaticiens. Mais quand, sur le terrain même, quand tu n'arrives pas à passer la ligne médiane et voilà que tu perds le ballon tout de suite, l'adversaire n'a pas forcément à se bouger. Hein. Et puis quand tu vois l'OM... Et en deuxième période, juste à dérouler et pousser un tout petit peu. Ça a été un problème de santé pour Marseille, quoi. Hein. Ouais. Ils n'ont pas du tout usé. Enfin, je sais même pas si à la fin ils étaient fatigués, quoi, parce qu'il n'y avait pas à courir partout. C'était vraiment pour eux, c'est un match amical, ça. Hein. Et comment tu l'as trouvé, toi, Dimitri Payet, par rapport à sa non-sélection suite à sa blessure à la Coupe du Monde? Bah écoute, j'ai trouvé pas mauvais. Là, j'ai trouvé assez en forme. On sait que la première journée, hein, mais j'ai trouvé impliqué. Mais je l'ai trouvé un peu triste de voir les autres avec la Coupe du Monde, quoi. Ouais. Tu vois qu'il est un peu triste quand même de ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il va faire une bonne saison, Payet. Tu vois, ça va pas être le même Payet que de l'année dernière où il avait des kilos en trop et trucs comme ça. Je pense que là, je dis pas qu'il va exploser, mais je pense qu'il va faire une bonne saison. Mmh. Il a une revanche à reprendre, quoi, je pense. Hein, tu vois. Ouais, bien sûr. Sur les deux saisons qui arrivent, il a vraiment une revanche à reprendre. Et puis, je pense qu'il veut tout faire pour réintégrer l'équipe de France au plus vite, quoi. Ouais, il doit se dire aussi que c'est une de ses dernières saisons au très haut niveau, où après, c'est peut-être, il choisira un club un peu moins huppé pour la satisfaction financière. C'est ça. Et je veux dire, les émotions qu'il pourra ressentir au très haut niveau, c'est peut-être dans les 2 ans à venir. Et... C'est ça, et puis peut-être disputer allez, l'Euro 2020, peut-être. Et après, je le vois terminer en MLS, lui. Tu penses que lui, il est capable d'aller jouer là-bas, comme Ouais, mais je pense, ouais, tu vois, je pense. Hein. Je pense que le mec, il va vouloir. Ouais, mais je le vois bien en MLS, lui. Hein. Il aurait sa place facilement dans un club, hein, de toute façon. Ouais, c'est vrai que si on peut faire une aparté, j'ai vu récemment quelques buts de la MLS de ce week-end. Ouais. Quand on parle de football champagne, les faible, défenses hein. En MLS, c'est une catastrophe. T'as vu le but de Rooney? Enfin, pas le but de Rooney. C'est une blague. Tu vois Rooney, le mec, il a combien? Il a 35 ans. Hein. Il a 33 ou 34 ans, Rooney, hein, je crois. Hein. Non, je ne me rappelle plus qu'il agit là. Mais bon, tu vois le mec qui fait un sprint du camp adverse jusqu'au milieu de terrain pour faire un tacle. Après, il court comme un dératé pour faire un centre pour que l'autre il puisse marquer un but. Ouais. C'est un truc de dingue, ce truc-là. Quoi. Ouais, c'est ridicule. Ouais. Enfin, tu verras jamais ça en première ligue. Hein. Non, ni en Ligue 1. Non. Tu veux, comment dire, en MLS, ils veulent comment dire, faire du marketing et valoriser ce championnat en achetant des grands attaquants qui sont trentenaires, mais ils pensent pas acheter des grands défenseurs. J'ai l'impression qu'ils ont pas du tout pris la leçon de la NASL qu'il y avait dans les années 80. Là, ça a fait faillite justement en 84. Enfin, à la saison 84-85, il n'y avait plus rien en NASL parce que voilà, ils ont voulu acheter que des vieux joueurs. Et il n'y avait pas du tout de mise en valeur des jeunes joueurs et trucs comme ça. Et ça faisait un championnat, finalement, en regardant les images, c'était très, très faible. Tu avais des attaquants, par exemple, tu avais Cruyff, il se baladait sur le terrain, quoi. C'était vraiment une promenade de santé pour lui, quoi. Quinaglia, c'était un joueur des années 70, un Italien qui était à la Lazio à l'époque. Ça a été un des meilleurs buteurs de l'histoire de la NASL. Le mec, il se baladait, c'est pareil. Mais j'ai l'impression que la MLS, ça devient pareil. Les défenseurs, ils sont pas bons du tout. Tu vois, Ibrahimovic, il se balade hein, sur le terrain, lui. Hein. Ah ouais, il se balade. Et le problème, c'est que l'équipe nationale américaine va en pâtir parce que et ben voilà. Ils forment pas de jeunes joueurs dans les clubs justement pour atterrir en équipe nationale. Ils préfèrent acheter des anciens grands joueurs européens et les mettre à la place de ces jeunes. Alors comment ils vont s'en sortir? Bah, c'est ça. Et les États-Unis qui étaient bonnes dans les années début 2000. Jusqu'à 2006 à peu près, quand tu vois qu'elle avait fait quoi, 8e de finaliste, bon c'est sûr que c'est de la Coupe du Monde 2002 hein, je crois les États-Unis quart de finale contre l'Allemagne en 2002, quart de finale voilà, ouais. Pour moi c'était là, enfin c'est l'âge d'or entre guillemets des États-Unis parce que à cette époque-là il y avait pas encore toutes ces stars qui y allaient, il y en avait quelques-unes, t'avais Djorkaeff qui avait terminé sa saison avec les Metro Stars, les New York Metro Stars là-bas, mais t'avais pas encore tous gratin de vieux joueurs qui venaient, t'avais encore des jeunes joueurs qui commençait à percer là-bas et ça, tu vois ça marchait bien, mais maintenant qu'il y a toutes ces vieilles stars qui y vont, bah ça va devenir un championnat dégueulasse. C'est con parce que j'adore moi le football aux États-Unis parce que t'as toujours du monde, c'est toujours attrayant de voir les stades des voix. Dieu, je préfère regarder de l'USL, c'est la nouvelle deuxième division anglaise américaine où t'as encore Drogba qui joue avec les Phoenix Rising Sun là. D'ailleurs, l'entraîneur c'est Patrice Carteron, pardon, et c'est encore même plus joli parce que tu vois, t'as moins de stars dans ce truc-là, t'as des jeunes pépites qui explosent là-bas, mais malheureusement, ils termineront jamais en MLS, ils seront directement prêts en Europe, quoi. Mm-hmm. Ouais, mais il faudra qu'ils arrivent à consolider leur championnat en affrontant tous les ans les clubs de la Copa Libertadores qui ont vraiment un bon niveau. Il faudrait qu'ils arrivent à faire une Champions League d'Amérique. Mais il y a beaucoup trop de tours et c'est encore assez régionalisé. Si tu veux, les équipes sont pas mélangées. Un peu comme en Europe où tu rencontres tous les pays européens et tu commences pas par jouer que les clubs français, par exemple en France. Ouais. Quoi, tu vois. Donc il n'y a pas assez de rivalité. Tu as un ou deux clubs aux États-Unis qui va arriver à jouer contre les meilleurs clubs de Copa Libertadores, mais après tous les autres ils les affronteront jamais quoi. Donc ouais. C'est sûr. Bon, revenons un petit peu sur le match de Marseille, parce que c'est vrai qu'on a pas mal dévié avec Dimitri Payet. D'ailleurs, c'était sur lui qu'on disait qu'il, moi, je le verrais bien terminer en MLS. Moi, j'ai un joueur que j'ai bien aimé aussi, c'est Amavi qui a fait un bon match. Il a été présent tout le long du match. Bon, il a reçu un carton fin de la première période, mais moi, je l'ai trouvé pas trop mauvais. Lucas Ocampos qui a été aussi impliqué, qui aurait pu marquer dès la première journée un but exceptionnel d'une reprise acrobatique. Voilà, après Quintanji, je me demande ce qu'il fait encore à Marseille, tout comme Bounassar, je trouve pas bon ceux-là, quoi. Je trouve pas terrible ces joueurs, ils ont pas le niveau pour jouer à Marseille, quoi. Bah pour ce premier match peut-être, mais ils ont fait une bonne partie en Europa League pour qualifier l'OM aussi, hein. Ouais, mais bon, ça fait aussi comme Rolando, quoi. Il aura peut-être qualifié Marseille, mais pour moi, ça restera un joueur qui est assez limité pour cet effectif-là. C'est des mecs, je comprends pas pourquoi ils sont titulaires d'entrée. Allez, ils peuvent jouer 10 minutes, c'est suffisant. Pour ça qu'il faut absolument que Marseille trouve un attaquant meilleur que Clinton J, truc comme ça. Je sais pas, mais Clinton J, il est très très inconstant, ce mec, quoi. Mais la vérité actuelle aujourd'hui du club, c'est que l'OM, même s'ils ont récupéré, on l'a su, la gestion du Vélodrome qui sera totalement gérée par l'OM, et les investisseurs, ouais. Enfin, je veux dire, les bénéfices des places reviendra au club enfin cette année. On sait que la réalité de la gestion du club, c'est qu'il reste plus que 60 millions d'euros à dépenser sur les 200 de McCourt, qui a déjà dépensé 140 millions l'année dernière. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Donc, il peut pas pour acheter des joueurs qui avaient déjà joué à Marseille, quoi. Bah, Mitroglou, c'était, on pouvait ouais, s'en mais passer. C'est un truc en dernier moment, quoi. Bon, après Mitroglou, je lui donne sa chance cette année, hein. Pour moi, je me demande si Mitroglou, on pourrait pas le mettre d'entrée attaquant, tu vois, au lieu de mettre Valère Germain. Je pense que Mitroglou, il aurait plus sa chance, quoi. Je l'attends au tournant, Mitroglou, hein. Tu vois, je l'avais attendu l'année dernière au mercato, enfin en hiver, quand il avait repris de sa blessure. Je m'étais pas trop trompé, parce que finalement, il a quand même marqué pas mal de buts. Il est pas un peu pâteau, c'est un peu du Dagui Bakary. Si tu te souviens de Dagui Bakary, c'était un mec qui était pâteau devant le but, mais il arrivait à marquer quand même, quoi, tu vois. Et tu vois, cette année, je l'attends au tournant. Savoir si c'est vraiment le bon attaquant qui marquait beaucoup de buts à chaque fois qu'il allait dans un club. Je l'attends au tournant, tu vois, Mitroglou, quoi. Mais ça n'empêche pas quand même au club d'essayer de faire venir un grand attaquant. Mais pour moi, l'OM ne fait plus rêver, malheureusement, quoi. Oh, faut pas dire ça, hein. Je pense que ça fait quand même rêver certains joueurs, hein, quand t'as... Ouais, quand t'as un Neymar qui vient au Vélodrome l'année dernière et qui s'attendait pas à une ambiance aussi chaude, je pense que, tu vois, si l'OM avait l'argent entre Paris et l'OM, eh ben, il serait venu à l'OM, Neymar. C'est possible pour les supporters, enfin pour plein d'autres choses, pour l'ambiance, hein, qui ressemble un peu plus à ce qu'il y a dans les stades brésiliens, etc. Paris, c'est un bon club, on va dire, pour les joueurs confirmés, il n'y a aucun souci. Ouais. Mais c'est tellement scripté ce qui se passe dans les tribunes à Paris. C'est pas le Vélodrome où c'est en feu à tous les matchs, etc. Mais bon. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait plus que les joueurs ne rêvent plus de Marseille. Pourtant, ils viendraient. Je suis sûr que tu prends un bon attaquant, s'il plante, le mec, il va être adulé et il va faire une saison exceptionnelle, quoi. Mais bon. Vous avez quand même fait l'OM une finale d'Europa League, hein. Ouais, mais je suis très content. Je suis quand même très content. T'es trop posé. C'est vrai que j'étais un peu déçu de la finale qu'ils avaient faite. Mais bon, c'est quand même un sacré parcours. On pourra dire ce qu'on veut, que c'était des équipes peut-être pas du niveau du Real et de la Juve, mais il faut quand même les battre, quoi. Ouais, faut, bien sûr, faut les battre dans les contextes qu'il y avait à l'époque, etc. Quand tu sais que Leipzig et Salzbourg, c'était des clubs formateurs de futurs grands joueurs qui avaient été pris par Gérard Houllier dans plusieurs championnats, etc. Non, c'était des bons clubs, hein. Et malheureusement, l'OM tombe contre la meilleure équipe de la saison en Europa League et en Liga aussi. C'est compliqué. Ouais. Bon, allez, on va passer aux autres matchs, hein, parce que c'est vrai que là, ça fait depuis un petit moment qu'on parle de Marseille. Samedi à 17h, Nantes-Monaco. C'est Monaco qui l'a emporté 3-1. Alors, moi, j'ai pas vu le match, mais Monaco qui a su dérouler tranquillement ce match-là, en fait. Monaco a joué en contre la plupart du temps du match. La première période, ils se sont laissés dominer. D'ailleurs, on le voit, hein, la possession de balle du FC Nantes sur le match, c'est 67%. C'est énorme par rapport à Monaco qui doit jouer quand même, qui doit prétendre à autre chose sur le terrain que de se laisser dominer par un FC Nantes. Mais le problème qu'il y a à Monaco, c'est que voilà, Jardim l'a dit, et je pense que Joseph, quand il nous écoutera, le confirmera, c'est que cette année, Monaco, bah, il n'y a pas eu de recrutement. Il y a un gros souci au niveau des jeunes qui vont devoir être intégrés au club. Voilà, de fait, parce qu'il n'y a personne d'autre pour jouer à leur place. Et bon, même si en défense, tu as un Jemerson et un Glick qui sont là, Tillmans, il a jamais confirmé que c'était un titulaire en puissance et il se retrouve titulaire parce qu'il n'y a personne pour jouer à son poste. Tu as Pierre Gabriel qui est sur le côté droit latéral, tu as un Barreca à gauche, enfin, tu as Maxime Lopez qui est là un peu pour mener le jeu et voilà, procéder en contre pour ramener le ballon à Jovetic. Ronny Lopez, hein, plutôt. Hein. T'as dit Maxime Lopez. Ouais, excuse-moi, j'ai confondu avec celui de l'OM. Et puis voilà, c'est va être compliqué pour Monaco de faire une meilleure saison que l'année dernière. Ouais. Déjà l'année dernière, on disait qu'ils auraient du mal. Là, cette année. Ah bah, c'est vrai qu'on donnait pas cher de Monaco l'année dernière avec toutes les départs qu'il y avait eu. Hein, c'est vrai. Ouais, ouais. Et puis là, je pense que Monaco peut-être dans ce quatuor leader de la Ligue 1 qui aura peut-être en fin de saison, bah peut-être que Monaco sa quatrième cette année. Hein. Ça va être difficile pour eux. Non, mais pour revenir sur ce match, Nantes aurait mérité d'ouvrir le score en première période avec Rongier suite à 2-3 belles actions. Il a mis le ballon au-dessus de la barre dans une action toute faite dans un jeu en triangle. Il n'y avait plus de gardien. Et puis, tu as eu Tata Roussano aussi qui a fait des bons arrêts en première période sur quelques contres de Diop et de Lopez. Voilà, qui sont des ballons qui ont bien été stoppés. Mais on va dire qu'avec l'inexpérience du FC Nantes, bah, Monaco a réussi à marquer et à gagner ce match-là. Hein. Il y avait 3-0 à un moment donné. Bon, ils ont réduit le score à 3-1. Ouais, de dernière minute. Ouais. Et puis, tu as FC Nantes. Le gros souci, bah, c'est qu'il n'y a pas d'attaquant. Et Emiliano Sala qui est mis sur le banc de touche et qu'on veut pas trop voir, il est un peu persona non grata dans le club depuis un petit moment là. Il y a eu des petites frictions avec le staff, donc je sais pas comment Nantes va terminer sa saison, mais cette année c'est un peu comme Rennes, hein, ça va être une déception je pense le FC Nantes. Hein. Disons que l'année dernière, on avait été assez surpris parce que Ranieri avait réussi à faire quelque chose de bien avec cette équipe nantaise. Après, bon, bah, ils avaient pris le bouillon dans la seconde partie. Là, je connais pas du tout cet entraîneur-là, je sais pas ce que ça va donner par contre. Hein. Puis bon, quand tu regardes vraiment l'effectif, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est pas une équipe, on va dire, pour jouer. Les 10 premières places, hein, le FC Nantes. Hein, ça va être du milieu de tableau. Pour moi, c'est du milieu de tableau, pas plus. Quoi. Ouais, encore. Ils vont se balader entre la 9e et la 15e place. Quoi. Enfin, non, la 13e place, allez. Entre 9 et 13, ils feront l'ascenseur. Quoi. Puis voilà, c'est pas. Tous les ans, c'est vraiment dommage, hein, parce que les supporters vendéens ou bretons, là, qui veulent vraiment retrouver un club. Un peu phare dans leur région, bah ils vont devoir se contenter de leurs derbies régionaux là, parce que c'est ça malheureusement. Il ouais. y aura pas grand chose à se mettre sous la dent. C'était même en Coupe de France, hein, ça va être compliqué pour eux d'aller encore une fois accrocher une finale de Coupe de France, etc. C'est sûr. Mais Monaco, je reviens juste sur Monaco. Ils ont, t'as vu la tuile un petit peu. Ils ont acheté Golovin, donc le Russe qui avait joué la Coupe du Monde et qui a l'air d'être un très bon joueur. Et là, il est blessé. Ouais. Ouais. Voilà. Donc déjà la grosse tuile, quoi. Ils achètent un joueur qui est blessé. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Combien de temps il est blessé, mais ça la fout un peu mal pour le moment. Hein. Ouais, c'est une question de temps. Bon, c'est pas un mal qui se blesse dès le début de saison, parce qu'au moins c'est pas en cours, et je veux dire les matchs importants ça vient après, et puis là ils ont quand même gagné 3-0 à un moment donné du match. Le but il est vraiment anecdotique de Salah à la fin du match. Ils ont géré avec l'expérience et Jardim surtout, Jardim qui a réussi à manier son équipe par rapport à ce qu'il avait sur le banc de touche. Hein. Donc, il a préféré jouer défensif et en contre. J'étais étonné de ne pas voir Falcao. Je ne sais pas si toi aussi, t'as pas... Oui, ouais, j'étais étonné aussi, ouais. Ouais. Mm. Et donc, je sais pas, mais peut-être qu'il est blessé ou peut-être que... Ouais, il rentre à la fin, ouais. Donc, je sais vraiment pas s'il y aura un départ de Falcao à l'hiver ou quelque chose comme ça. On parle de la Chine à l'hiver, donc je sais pas. Oh, la Chine, quoi. Ouais. Ben, on sait, de toute façon, les Colombiens, avec l'argent, les problèmes d'argent dans leur pays, ils ont besoin, de, ils ont besoin d'aider leur famille, etc. Donc... Ouais, c'est sûr. Par contre, moi, j'attends le petit William Goebbels de voir ce qu'il va donner, parce que comme je vous avais dit sur Football Manager, ce mec-là, c'est une future pépite, c'est le futur Ballon d'Or français. Ah, non, mais je te jure, hein, ce mec-là, après, il fait une carrière, il va au Barça, il va au Real, je sais pas où, mais il fait toujours une carrière exceptionnelle. Donc, j'attends de voir ce que va donner ce petit jeune, savoir si c'est un feu de paille ou si c'est vraiment un futur grand, quoi. D'accord. Écoute. Donc on verra bien. Ouais. Donc victoire 3-1 pour Nantes. Hein. De toute façon, dans cette première journée, les gros ont gagné. Hein. De toute façon, ils n'ont pas fait de faux pas. Mmh. Mis à part, si on peut dire que c'est un gros club, un ancien grand club, les Girondins de Bordeaux, compris 2-0. On en reviendra, on reviendra sur ce match tout à l'heure. On va parler d'Angers contre Nîmes. Et là, grosse surprise, victoire de Nîmes 4-3, alors que Nîmes était mené 3-1. Franchement, c'est un match vraiment rocambolesque. Alors, est-ce qu'il faut parler de la Grinta nîmoise, ou est-ce qu'il faut parler d'Angers qui a arrêté de jouer dès le 3-1, quoi. Surtout qu'en plus, Nîmes a eu un joueur expulsé à la 80e minute de jeu, hein, quand il y avait encore 3-2 pour le SCO. Et en fait, cette expulsion a fait un grand bien à Nîmes, qui à la 85e minute de jeu marque un troisième but, et 3 minutes plus tard, c'est un CSC d'un joueur d'Angers. Et voilà, Nîmes qui gagne son premier match dès son retour en Ligue 1, quoi. Ça, c'est la chance des promus. Je pense que c'est ça, ouais. Ils ont des... Comment dire, ils font souvent des très bonnes saisons, les promus, leur première année. Et ensuite, ils ont du mal, mais... Tu vois, j'en avais parlé un petit peu avec Rétro. Lui, il m'a dit que Nîmes, ça risque d'être un peu comme Strasbourg l'année dernière. Tu vois, ça va être l'équipe qui va... faire une bonne première partie de saison et puis qui va complètement s'écrouler en seconde partie, quoi. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça peut être... Je sais pas, ça peut être vrai, hein. Non, pour moi, c'est une équipe vraiment que je connais pas du tout. Je pourrais pas te donner mon avis vraiment sur l'effectif ou quoi. Je connais aucun des joueurs. Pour moi, ça serait une découverte quand je verrai un match entier avec eux, s'ils viennent à Paris ou s'ils ils jouent contre, je veux dire, Lyon ou quelque chose comme ça. Mais j'aurais du mal à regarder cette équipe-là. Ben, le match, la deuxième journée, hein, sera le match sur Canal à 21h, c'est Nîmes-Marseille. D'accord. Dès la semaine prochaine. Alors, chez Nîmes, ils ont quand même des supporters assez animés aussi. Ces supporters du sud, hein, c'est des vraiment qui sont très très chauds. Voir les Costières, revoir les Costières, c'est un stade qui a mal vieilli, mais ça peut être sympa, hein, de voir un match avec Nîmes. Hein. Il y a une bonne ambiance à chaque fois aux Costières, ça peut être pas mal, hein, je pense. Hein. Ah, ce sera un beau match, ouais. Mais je pense que Nîmes peuvent se maintenir cette année grâce à leurs supporters. Hein. Match à domicile. Il suffit que les supporters mettent une bonne ambiance. Des fois, ça peut donner des ailes aux joueurs. Ils peuvent rester en Ligue 1 grâce à ça, je pense. Ah, ça sera un match très engagé, Nîmes-Marseille. Mais je pense pas que Marseille se fasse surprendre comme Angers. Voilà, ils ont bénéficié un peu de la chance en fin de match, Nîmes, sur ce coup-là, Angers. Mais ouais. Marseille, ça serait vraiment une autre paire de manches. Hein. Faudra pas compter sur des faits favorables, je veux dire, dans le jeu, parce que Marseille laissera rien au hasard comparé à Angers. C'est sûr. Donc voilà, victoire de Nîmes 4-3 sur Angers. On va passer au match Lille-Rennes. Ouais, très beau match, franchement. Ouais, très beau match. Ouais. Donc Lille qui bat Rennes 3-1. Écoute, tu l'as vu ce match? Ouais, je l'ai regardé. Ouais. Je l'ai regardé. Franchement, j'ai été énormément surpris par la qualité du jeu de Lille, qui a vraiment pris les leçons de l'année dernière, j'ai l'impression. Et il y a eu tu vois, regarde, Rennes, c'était une équipe soi-disant. On a fait une espèce de hype sur Rennes cet été dans les journaux. Ah ouais, parce qu'ils ont terminé, 5e de la Ligue 1. Et c'est vrai que ce qu'ils avaient montré en fin de saison était pas si mal que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on a monté un peu cette équipe plus belle qu'elle était, je crois. Et ouais, quand tu connais le football, tu sais que Rennes, mais ça fait des années qu'il se passe rien dans leur ville. Mais même quand ils arrivent en finale d'une Coupe de France, ils trouvent le moyen de perdre contre le voisin qui est à 100 km de chez eux, quoi. Non, mais c'est... Rennes, c'est une équipe qui n'a pas dans... Il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'engouement dans l'équipe même. Je ne dis pas que les supporters ne sont pas là pour pousser le club ou quoi, mais dans l'équipe même, les joueurs, ils n'ont pas envie de faire des matchs mémorables, fantastiques, de donner de la passion aux supporters. J'ai l'impression que même si le stade est rempli à Rennes, et ben sur le terrain, tu verras jamais des joueurs qui vont se donner à 100% pour le public. Et là, ils sont venus en vacances, les joueurs jouer à Lille, sur leur réputation qu'on leur a fait cet été. Ouais. Mais c'est, sincèrement, quand tu vois ce match-là, et que tu vois Lille faire du jeu en triangle dans les 16 mètres de Rennes, il y a un gros souci. Lille, c'était une équipe qui était en relégation l'année dernière pratiquement, toute l'année. Et Rennes est soi-disant une équipe qui va jouer la Ligue Europa cette année, mais mon Dieu. Je crois qu'ils vont faire pire que Nice, Rennes. Ah non, mais c'est obligé, ils vont faire pire que Nice l'année dernière. Ça va être, ils vont se prendre des tôles en Biélorussie ou je sais pas où là. Ouais. Ça va faire mal à mon avis. Hein. Ça va faire mal. Et Grenier, il a beau être arrivé, il va pas pouvoir faire le jeu tout seul, Grenier. Hein. Non, surtout que là, quand tu vois la composition d'équipe, il a été placé pratiquement meneur de jeu. Alors que c'est ça. Je veux dire, c'est comme si tu sais, dans un autre club, attention, c'est pas le même niveau. Hein. Et je me souviens d'une époque où la Juventus avait recruté Didier Deschamps à l'OM. Ouais. Et avait donné le numéro 10 à Deschamps en le mettant numéro 10 c'est vrai. Mais ouais. Tu peux pas mettre un milieu défensif meneur de jeu. Ah c'est non, pas c'est possible. Pas possible, il n'y arrivera pas. Ça a duré 2 mois la Juve cette histoire, ils ont foutu un Del Piero à la place, ça a été réglé. Mais je veux dire, la Juve à un moment donné, Rennes, il va falloir qu'il se trouve un meneur de jeu parce que tu peux pas jouer avec un Clément Grenier qui va donner des ballons, etc. C'est comme si tu avais ouvert le score, ça s'était très bien passé, puis ils ont complètement pris le bouillon après, quoi. Ouais, c'est un peu comme à l'époque, tu te rappelles, il y avait Toulalan à Lyon qui était un peu tout seul au milieu de terrain parce qu'ils avaient. Il a toujours été tout seul, Toulalan de toute façon. Ouais, voilà, Toulon. Ouais. Mais non, c'est une grosse déception, Rennes. Grosse déception pour les supporters, je pense, ce qu'ils ont fait à Lille. Et par contre, Lille, s'ils continuent comme ça, je pense qu'ils sont vraiment sur la bonne voie pour retrouver. Et attention, ils ont joué sans leur recrue, ils sont encore pas tirés d'affaire avec la DNCG qui a refusé que Lille joue avec ses nouvelles recrues. Mais bon, tu vois, l'année dernière, quand il y a eu Bielsa, il y avait tout un tas de nouvelles recrues qui étaient arrivées, la cohésion de l'équipe ne s'était pas faite. Ouais. Là, avec l'équipe qui est à peu près la même, qui est la même que l'année dernière. Là, la mayonnaise commence à prendre, quoi. Ouais. Et moi, je verrais bien Lille. Je dis pas jouer la 5e place, quoi, tu vois. Bah, faut espérer. Mais je pense que, comme tu dis, le fait qu'ils ne soient pas tirés d'affaire avec la DNCG... Ça sent mauvais pour eux, quand même. Bah, je pense que ça leur donne envie, justement, de faire un très bon début de saison pour, justement, engranger des points avant qu'ils aient des soucis autres que sportifs. Parce que qu'est-ce qui pourrait leur arriver des retraits de points. Voilà, peut-être des retraits de points, donc faut vraiment. Pas qu'il y ait une relégation, mais des retraits de points, quoi. Bah vraiment là, je pense que la saison comme elle est commencée, faire une relégation au bout de 6 mois, c'est pratiquement impossible, quoi. Donc ça sera sûrement des points en moins, mais la DNCG s'y prend très mal là, parce que soit tu sanctionnes le club dès le début de saison, soit. Eh ben voilà, moi ça je comprends pas trop là. Ça sent l'incompétence de la DNCG là, faut faire quelque chose. Soit tu fais rien jusqu'à la fin. C'est ça, tu sanctionnes pas le club dès le début de saison, enfin dès la première journée, ça aurait été dès le mois de juin quoi, dire vous avez pas le droit de recrutement et puis c'est tout quoi. Ouais. Donc là ça veut dire quoi? Mais là ils sont suspendus combien de temps là les joueurs, enfin. Je pourrais pas te dire. On sait pas, c'est un peu brouillon leur truc. Hein. Ouais, en effet. Ouais. Mais bon, en tout cas, belle victoire lilloise contre les Rennais. Ensuite, on va passer à Montpellier qui recevait Dijon. Alors celui-là, j'ai pas bien regardé ce match-là, mais Montpellier qui avait pourtant pris les bonnes résolutions en marquant dès la cinquième minute de jeu, et Montpellier qui vont perdre dans les dernières minutes 2-1 face à Dijon. Là, je sais pas, je sais pas trop quoi dire sur ce match-là, mais une nouvelle fois Montpellier qui déçoit, quoi. Ouais, Montpellier, c'est pareil, c'est une équipe qui a énormément de mal à faire le jeu. On l'avait dit l'année dernière, hein. Pourtant, là, tu vois, ils ont essayé d'aligner quand même trois attaquants dans ce match-là, en 3-4-3, un peu plus offensif. Sio, il y avait Delors, et puis... Le gros souci à Montpellier, c'est un peu comme... comme à Arsenal, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est-à-dire que t'as un Der Zakarian qui est catastrophique sur le banc de touche et qui fait pas, qui met pas en place un système de jeu par rapport aux joueurs qu'il a. Et le problème, c'est qu'à Montpellier, tu peux pas jouer avec trois attaquants parce qu'à aucun moment donné, t'as assez d'effectifs offensifs pour faire ce système et tu te retrouves avec une défaite à la fin du match face à Dijon, quoi. Et le problème, c'est que la saison va être très difficile à gérer à Montpellier si l'effectif offensif reste comme ça. C'est un peu comme à Marseille, t'as un ou deux attaquants, et puis bon, le reste, c'est beaucoup de milieu de terrain, etc. C'est ça. C'est ça. Vraiment, je pense que Montpellier, ça va être une saison entre la dixième et la ouais, ça va être en bas de tableau, place, quoi. Ça va être, ouais, c'est sûr. On pourra pas. Mais quand tu regardes déjà, attends, on est au mois d'août. Normalement, t'as quand même pas mal de personnes qui sont en vacances dans le sud. Ouais. Ils ont accueilli même pas 13 000 spectateurs dans un stade qui en fait combien, 40 000, 35 000, 40 000 à peu près. Ouais, je pense que ça doit être autour de 35. Même si après à Montpellier, il y a l'histoire des bâches sur les gradins du haut toujours. Alors, bon, quand même, ça fait pas beaucoup, quoi. Hein. Ouais. Non, c'est pas un stade énorme, hein, de toute manière. Hein. Mais t'as Andy Delors qui est venu à Montpellier. Voilà, il y a eu très peu de recrues vraiment intéressantes. Et la grosse faute de goût, vraiment, c'est Der Zakarian, je pense. Et c'est une grosse pénalité pour leur club. Même les supporters en ont parlé beaucoup. Hein, si vous avez les réseaux sociaux et que vous êtes supporter montpellierain, ça casse beaucoup de bois sur la tête de Der Zakarian. Donc on verra comment ça va se dérouler après. C'est sûr. Enfin, mon victoire dijonnaise 2-1. On passe au match suivant avec l'OGC Nice. C'est le premier match de Patrick Guerra en tant qu'entraîneur de l'OGC Nice face au Stade de Reims, qui normalement devait être un adversaire à leur taille. Et dès la deuxième minute de jeu, le Stade de Reims qui marque. Et ça restera 1-0 jusqu'à la fin, quoi. Je pense qu'il a encore beaucoup de travail, Patrick Vieira, avant de voir un OGC Nice assez compétitif. Donc il n'y avait pas du tout de Balotelli sur le terrain, il était même pas sur la feuille de match. On retrouve à peu près la même charnière que l'année dernière. Je sais même pas s'il y a eu des transferts à Nice. Non, j'ai pas regardé non plus, mais tu vois, dans ce match-là, le souci qu'il y a, c'est que Nice a eu une possession de balle énorme durant ce match-là, et à aucun moment, ils ont réussi à mettre vraiment en danger le Stade de Reims, sauf sur 2-3 actions. Et je pense que là, pareil, c'est un cas où on a un coach qui est débutant dans un club professionnel, vraiment, parce que, pour moi, coach de New York FC, ou je ne sais quoi, ça ne veut rien dire du tout, surtout quand on sait que à l'époque où il avait David Villa sous ses ordres, le club marchait pas forcément bien. Ils se sont pris des taux en MLS, hein, New York là-bas. Donc moi, Patrick Vieira, je pense que c'est une grosse faute de recrutement. Je pense pas que tu puisses prendre aujourd'hui en Ligue 1 un coach qui n'a aucune expérience en Europe comme ça. Bah, surtout à Nice, quoi. Quand tu vois qu'ils arrivent à décoter Lucien Fabre, pardon, qui est quand même un entraîneur d'expérience, et puis que d'un seul coup, du jour au lendemain, ils se mettent à prendre Patrick Vieira, c'est quand même un sacré challenge, mais ça peut être une grosse tuile à la fin de la saison. Hein. Bah, tu vois, l'année dernière, on avait pris les paris sur Bielsa à Lille, moi j'avais dit qu'il passerait pas l'hiver, et moi je te dis là, dans 2 mois, Vieira, malheureusement, il est dehors. Ouais, il est dehors. Et moi je pense qu'il est dehors. C'est possible, ouais. Mais... Et je pense que les défaites vont s'accumuler parce que tu perds chez toi à domicile déjà lors du premier match. Pour différentes raisons, c'est vrai que Lille a, Nice a possédé la balle durant tout le match, mais j'ai pas confiance en ça. Je suis pas sûr que Jean-Pierre River, là, le président de Nice, il soit aussi patient qu'un autre. Ouais. Tu vois, il serait allé au stade de Reims, par exemple. Bon, bah, Reims, eux, ce qu'ils jouent, c'est le maintien. Je pense qu'ils auraient, plus donné confiance à Patrick Vieira. Que là, si Nice, dès les quatre premières journées, il n'y a pas de victoire, enfin, il n'y a aucune victoire, il y a peut-être un match nul, mais il n'y a pas de victoire, ça va sentir le roussi pour lui, hein, de toute façon. Oh, très très vite, hein, sûrement. Ils vont pas être patients, hein, je pense pas. Hein. Encore moins patient quand c'est un coach, je veux dire, qui n'a pas vraiment d'expérience et qui n'a pas de réputation non plus. Mais moi, j'ai l'impression que pour certains, la MLS, enfin, New York City, c'est pas parce qu'il y a eu Villa dedans qu'il y avait Pirlo, sinon Pirlo y a joué. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est pas parce qu'il a entraîné Villa et Pirlo que ça y est, c'est un entraîneur de renom. Je suis désolé, c'est un mec qui a aucune expérience. Ouais. Et c'est complètement faussé d'être un entraîneur de la MLS, surtout qu'on sait que c'est des managers, que c'est des mecs qui ont pas forcément la totalité de l'équipe entre les mains. Il y a c'est pas eux forcément qui prennent la décision de la feuille de match. Voilà, je trouve que pour moi c'est assez risqué, hein, de ce qu'a fait Rivers de prendre Patrick Vieira à Nice. Et ça peut être vraiment casse-gueule après avoir montré des bonnes choses avec Lucien Favre. Là, c'est très très risqué, quoi. Ouais, c'est certain. Enfin bref, donc Nice qui perd son premier match. Ensuite, on va arriver à Saint-Étienne-Guingamp. Saint-Étienne qui a battu Guingamp 2 buts à 1 grâce à un superbe but de Cazerie sur une longue passe de long centre de Loïs Diony. C'est vrai que Diony qui était parti l'année dernière en championship, je crois que c'était, je me rappelle plus le club, j'ai pas envie de dire de bêtises. Qui est parti au mercato hivernal parce que il arrivait pas à planter de but à Saint-Étienne. Donc il est allé en championship, il a joué que 7 matchs sans marquer aucun but, quoi. Et il est revenu à Saint-Étienne, il a eu la confiance de Jean-Louis Gasset. Et Loïs Diony qui a fait un très bon match et qui a donné vraiment un amour de ballon à Cazerie, qui a marqué un but d'une reprise de volée magnifique, quoi. Vraiment tout était magnifique dans la passe et dans la finition. Et Diony qui viendra donner aussi la victoire au Stéphanois d'une tête. Franchement, Saint-Étienne qui a fait un bon premier match quand même contre Guingamp, qui a été entaché par c'était les deux virages, non, c'était la tribune nord et sud qui était fermée, donc ça faisait pas un stade plein, c'est dommage, il y a peut-être pas eu l'ambiance qu'il aurait pu y avoir pour la première journée, mais bon, Saint-Etienne qui a fait un bon match, voilà, qui bat Guingamp, et Guingamp qui a perdu pas mal de joueurs aussi cette année, hein. D'ailleurs qui a perdu Clément Grenier, hein, qui était quand même un pilier de l'équipe guingampaise. Jimmy Briand aussi qui est parti, alors selon les dires de Guingamp, qui est parti un peu comme un voleur à Bordeaux, parce que l'histoire c'est que Jimmy Briand avait dit qu'il ne partirait pas pour un autre club de Ligue 1 s'il y avait transfert, et qui est parti quand même à Bordeaux, donc il y en a beaucoup qui l'ont mal pris, Comboiré qui l'a très mal pris aussi, quoi. Donc il a dit qu'il deviendra un ennemi du club maintenant. c'est pour tout dire. Ouais. Je sais pas, Guingamp, qui se retrouve sans deux bons joueurs, et ça va être compliqué pour Guingamp cette année, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, mais Guingamp, ça va pas être facile cette année. Hein. Oh, Guingamp, ça sera une des saisons peut-être les plus compliquées à gérer, ouais. Sur le plan offensif également. Vraiment, hein, comme on disait en début d'émission, là, t'as beaucoup de petits clubs et de clubs vraiment moyens de championnat qui auront du mal à tenir la dragée haute aux 5-6 premiers du classement, parce que malheureusement, ils n'ont pas réussi, ni peut-être les moyens. J'ai l'impression vraiment que, tu sais, les clubs moyens du milieu de tableau et de la fin n'ont plus les capacités de recruter des joueurs. Parce que, si tu veux, à un moment donné, le marché est tellement bloqué que même les joueurs qui coûtent très peu cher, et ben finissent par atterrir toujours dans des clubs assez huppés. C'est et, ça. Et les tout petits clubs, ils n'ont plus rien du tout. Ils n'ont plus rien. Il faut qu'ils prennent des joueurs formés. Et Guingamp, je trouve que chaque année, ils perdent des bons joueurs. Et ils n'arrivent pas à recruter du tout. Donc ça va faire, malheureusement, d'ici 2-3 ans, je ne serais pas étonné de voir Guingamp en Ligue 2, quoi. Bah, j'espère pas, mais écoute, c'est une possibilité. Après, le championnat de Ligue 1, il est tellement varié. Il est tellement bizarre. Dans la fin de tableau, il est tellement diversifié que finalement, tu sais pas si Rennes, Nice ou Guingamp ou Saint-Etienne peut descendre, quoi. Parce que là, on est vraiment loin du Guingamp qui faisait plaisir à voir en Europa League. Hein. Ouais, après, on va dire que c'est la loi du marché actuel. Hein. Mmh. Malheureusement, t'as des gros clubs comme le Paris Saint-Germain qui ont faussé les quotas de certains joueurs en mettant des sommes énormes sur des joueurs qui valaient pas cette somme-là. Mmh. Et tout s'est enchaîné derrière. Et maintenant, hein, le moindre petit joueur, il va coûter 35 millions. Et c'est inabordable pour un club comme Guingamp d'acheter un défenseur 30 millions d'euros ou 20 millions. Avec tous les joueurs qui partent de Ligue 1 pour aller jouer en Première Ligue, bah, je parle par exemple avec Zambanguissa. Qu'aurait pu, même si c'est pas un joueur exceptionnel, qu'aurait pu apporter à Marseille. Ouais. Et il a préféré partir à Fulham. Ça, c'est une grosse connerie, ça, pour moi. Ça, énorme connerie. Une énorme connerie. Mais Fulham, je sais pas si t'as regardé, si t'as vu, je crois qu'ils ont recruté pour au moins 75 millions d'euros, voire 95 millions d'euros. Mmh. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, et puis ils ont les salaires à payer derrière. Hein, parce que, voilà, pourquoi pour, tu vois, là, ils ont perdu, je crois, ils ont perdu 2-0. Ils ont dû perdre 2-0 samedi dernier. Ouais, ils ont perdu 2-0 contre Crystal Palace. Alors, Fulham, ça va pas être une grosse saison, quoi. Ils vont avoir énormément de joueurs pour rien montrer, quoi. Ouais, je reviendrai toujours à l'exemple de Southampton voilà, qui avait coulé en achetant n'importe qui, n'importe où, juste parce qu'ils étaient disponibles. Même Huddersfield, ils ont énormément recruté. Huddersfield, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais. Mais à un moment, quand le marché sera saturé en Angleterre avec plus aucun joueur à acheter à l'étranger et que eux auront toujours leurs joueurs qu'ils ont payé 45 millions ou 35 millions avec les salaires énormes qu'il va avoir, tu vas avoir. Ils arriveront jamais à les revendre parce qu'il n'y a aucun club qui voudra mettre autant. Bah, c'est pas forcément dans l'achat du joueur, mais dans le salaire, quoi. Ouais, exactement. Et c'est des clubs qui vont se retrouver endettés parce qu'ils pourront plus revendre certains joueurs. Et je pense que même si la Première Ligue a eu énormément d'argent, des droits télé qui ont été revalorisés, etc., il faudra s'attendre à un jour ou l'autre à une saturation du marché et puis une faillite de certains clubs de Première Ligue. Ça va arriver un jour ou l'autre. C'est ça. Et qu'il va y avoir des... Voilà, c'est sûr. Ça va être catastrophique, ça. Mais il faut s'y attendre, malheureusement. Mmh. Ah oui, voilà. Mais c'est le cycle, hein, c'est comme ça. Mmh. C'est ça. On passe au match d'hier, hein, dimanche, avec 15h, il y avait eu Lyon contre Amiens. Et bon, ben, Lyon qui a gagné 2-0, sans peiner. Alors par contre, hein, la pelouse est dégueulasse. Mon Mais faut Dieu. En parler, hein. Il n'y a pas qu'à Lyon, hein. Il y avait à Nantes aussi. Je ne comprends pas comment, pour une première journée, on se retrouve avec des pelouses si pourries. Mais comment on peut valider ça? Ils ont quand même eu 2 mois pour s'occuper des pelouses et tu te retrouves avec un match au Groupama Stadium avec des mottes de terre qui se barrent. Mais c'est quand même ahurissant, quoi. Attends. Il y a des amendes, normalement. Il devait y avoir des amendes. On nous avait dit qu'il y aurait eu des amendes sur les mauvais terrains. Mais là, franchement, c'est ahurissant de voir ça, quoi. On est en Ligue 1, quoi. Enfin, je sais pas, mais... Mais au 30 mètres lyonnais, il y a un mec qui a fait un trou, là, une tranchée. Il y a un renard qui a fait un nid, je sais pas ce que c'est. J'avais l'impression de te retrouver dans Actua Soccer à l'époque sur PC quand tu faisais un tacle. T'avais le tacle était vraiment marqué sur le terrain, mais c'est exactement pareil, quoi. Mais c'est un truc de fou, quoi. Mais j'ai jamais. Est-ce que t'as vu dans ton. Dans... Bah, sincèrement, hein, on a vu beaucoup de matchs à la télé depuis qu'on est petit. Est-ce que t'as vu une tranchée creusée dans la terre au milieu? Non. De... Mais en fait, ils ont changé le terrain. Le terrain, ils l'ont changé il y a même pas 2 semaines. Mais putain, les gars, ils ont 2 mois pour faire quelque chose de propre. Je ne comprends pas. Il n'y a que Paris qui a eu la bonne idée de recruter un jardinier anglais. Et c'est vrai que la pelouse de Paris, elle est irréprochable. Hein. Ouais. C'est un billard, hein, la pelouse. Tu vas pas me le, tu vas me confirmer ça, c'est quand même un billard la pelouse de Paris. Elle la change même quand elle n'a pas besoin d'être changée. Et ben voilà, et là nous on se tape avec des. Enfin, on n'est pas en DH, on n'est plus dans les stades de province où les terrains sont dégueulasses, on est quand même en première division. Non mais ton jardin, comme... ton jardin il est pris. La pelouse est meilleure. Même mon jardin, il a pourtant il y a des pissenlits et trucs comme ça, mais il est quand même meilleur de meilleure qualité que celui de Lyon. Ouais. Enfin, c'est quand même ahurissant pour un club qui va jouer. Il va peut-être jouer la Ligue des Champions, on sait pas encore, mais c'est quand même ahurissant de voir des clubs professionnels avoir des pelouses aussi mauvaises. Faut pas s'étonner que des fois le jeu soit pas bon, quoi. Je vais faire un petit aparté sur la Ligue 2. Lorient, qui doit recevoir, je me rappelle plus qui, Valenciennes, je crois, là, vendredi. Ils sont même pas sûrs de pouvoir jouer chez eux parce qu'ils ont eu un espèce de virus sur le terrain. Ouais. En plus, il y a eu les nuits celtiques sur le terrain du Moustoir, et ils sont même pas sûrs de jouer chez eux, ils sont obligés de trouver une autre solution pour jouer le match contre Valenciennes, sinon ils seront obligés de repousser le match ultérieurement. D'accord. Bon, mais c'est un scandale, quoi, enfin, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Bah écoute, hein. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les pelouses de Lille, de Marseille, c'est des pelouses qui sont obligées d'être changées tous les ans parce que malheureusement, à cause du toit qui laisse pas passer la lumière du soleil, la pelouse pourrit assez vite. Et ça va être un gros problème de conception du stade que j'avais remarqué et d'autres avaient remarqué dès le début. C'est que la plupart des stades en Europe, tu vois que le toit est transparent pour laisser la lumière passer. Et ben là, non, ils ont fait des toits opaques, un peu comme à Lyon d'ailleurs. Hein, parce qu'à Lyon, il suffit que le soleil soit le matin seulement sur la pelouse et tout l'après-midi à l'ombre. Bah, finalement, la pelouse va pourrir également. C'est des choses à réfléchir quand tu conçois un stade et un toit. Je comprends pas pourquoi chaque équipe de Ligue 1, je sais que ça doit pas coûter, c'est pas le salaire d'un joueur de foot, pourquoi ils se prennent pas un très bon jardinier, Paris l'a fait, je vois pas pourquoi les autres ne pourraient pas le faire, quoi. C'est quand même mieux de jouer sur un billard, je sais pas, ça devrait même, ils devraient même pas se poser la question, quoi. Bah, c'est vrai qu'à Nantes, ouais, il n'a pas été terrible non plus. Il n'était pas terrible, mais je pense que, si tu veux, c'était jouable. Parce qu'il n'y avait pas ces histoires de mottes de terre ou de terre qui apparaissaient entre l'herbe. Là, vraiment, le terrain était nickel. Il y avait un problème de couleur à Nantes. C'était plus ça. C'est ça. Ouais. Mais quand on te dit qu'à Nantes, le terrain n'était pas terrible par rapport aux commentateurs télé, toi, tu aimerais bien quand même pouvoir jouer sur un terrain comme ça. Ça, c'est sûr. Ça doit être quand même très bon. Et quand tu vois par exemple Bordeaux là qui est joué en Coupe d'Europe jeudi dernier, que la plupart des jardiniers ont repeint la pelouse parce que il y avait des mottes un peu partout, enfin c'est quand même fou, quoi. Mais bon, c'est un peu plus excusable parce que c'est un pays de l'Est, je sais pas quoi, ils ont peut-être beaucoup moins de moyens qu'en Ligue 1, mais de voir une pelouse comme ça, ça peut empêcher Lyon de gagner 2-0. Hein, mais quand même, quoi. Hein. Enfin bon, on revient sur le match. Bon, pour moi, Lyon a pas peiné du tout. Hein. Lyon a maîtrisé son match du début à la fin. Amiens, ils ont pas eu énormément d'occasions. Et pareil, Amiens, je sais pas ce que ça va donner cette année, mais ça va être compliqué, je pense aussi. Hein. Ouais, ça va pas être terrible. Hein. Pour moi, c'était un des moins bons matchs de cette journée. Hein. J'ai trouvé vraiment ce match vraiment ennuyeux. C'était à 15h, ça pouvait être un bon match pour faire la sieste, hein, de toute façon. Tout à fait. Et puis, encore une fois, le stade pas rempli. Pourtant, c'est des vacances. Tu peux faire des places à 5€ ou à 2€ pour les enfants, etc. Ouais. Enfin, ça n'a pas été fait. Là, tu as encore Depay qui met un superbe coup franc. Il est beau. Ouais, superbe coup franc. Alors, je me demande vraiment si le mur est bien placé parce qu'il la met tellement facilement, la balle, que je pense qu'il y a un gros souci au niveau du mur du gardien. C'est possible, ouais. Et par contre, Amiens, c'est vrai que c'est un peu comme Caen, c'est un peu comme l'autre équipe dont on avait parlé en premier qui a joué à Marseille. Ça va être vraiment une saison très très longue pour eux, avec énormément de changements dans l'effectif. Il n'y a que des inconnus dans cette équipe d'Amiens. Vraiment, t'as du mal à te dire, tiens, lui, c'est que des joueurs nouveaux, c'est pour ça, faut que la mayonnaise elle prenne. Mais c'est malheureusement, ça va pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique. Hein. Il va falloir au moins peut-être un mois ou deux avant que. Et malheureusement, un mois ou deux en football, ça fait beaucoup de journées de championnat, quoi. Mais vraiment, comme tu as dit, hein, Lyon, c'est pas une équipe impressionnante sur ce match-là. Non. Ils ont pas forcé. Et il faudra vraiment attendre pour qu'ils montent en régime, hein, parce que là, c'est l'échauffement pour eux. Mais regarde, on va reparler de cette première journée, mais en fait, les grosses équipes, les quatre premiers, ils n'ont pas peiné, en fait, finalement, parce Non. qu'ils sont tombés contre des équipes soit très faibles, soit des équipes. Enfin, voilà, mais c'est des équipes qui étaient faibles et qu'on peut jouer au football, quoi, c'est ça le truc. Mais tu crois que le tirage au sort là du championnat en début de saison, il s'est fait exprès, cette histoire de jouer les promus contre les gros là pratiquement? C'est quand même Je dingue, sais hein. pas, ouais, J'avais c'est pas vrai. réfléchi à ça, mais c'est vrai que par J'ai rapport pas à ce que tu réfléchi, dis. mais c'est pas faux. T'as l'impression d'avoir toujours le PSG Caen en première journée. C'était Ouais. ça l'année dernière aussi, hein. C'était PSG Caen aussi. Enfin, c'était Alors. Caen PSG le premier match, non? Oui, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Enfin, l'avant-dernier, le premier, après, je sais plus, mais c'était au tout début, ouais, parce que quand on avait joué le maintien, il y a 2 ans, là, ils avaient joué le maintien au Parc des Princes, Bah oui. avec, c'était Vercoute dans les buts, là, je me souviens. Donc, il y avait eu un partout, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ils avaient marqué dans les derniers, dans les dernières Enfin, minutes et pas, ils avaient ça a laissé marquer condamné quand, on va Lorient. dire, ouais. Ça a condamné Lorient à la descente en Ligue 2, ouais, je m'en souviens. L'année Ouais. dernière, bah, quand ils avaient battu Paris, parce que c'est vrai qu'à l'époque, Paris, ils avaient arrêté de jouer depuis le titre de champion de France. Donc voilà, hein. T'as l'impression que c'est toujours PSG Caen en premier, quoi. Ouais, il y a un souci dans la gestion informatique Ouais, il faudra que refaire de le. Bois de la Faudra changer Tour. d'ordinateur, ouais, c'est ça. Enfin Ouais. voilà, donc Lyon qui a gagné sans vraiment peiner. Même Fils de Paille qui avait lancé une petite pique en disant qu'il voulait partir dans un plus grand club. C'est vrai que ça n'a pas bien plu aux supporters et ça n'a pas bien plu aux dirigeants lyonnais. Mais bon, avec ce but-là, je pense qu'il s'est fait un petit peu pardonner. Ça l'empêchera pas que si un jour il a une offre qui vient dans la saison, il pourrait partir d'un moment ou un autre, quoi, de Paille. Hein. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Enfin voilà, donc Lyon qui bat donc Amiens 2 buts à 0. Bordeaux qui recevait Strasbourg. Bordeaux qui a les ambitions, bah, essayer de faire mieux que l'année dernière, mais bon, bah, ça commence très mal. Bordeaux qui perd 2 à 0 face à Strasbourg. C'est quand même une grosse tuile dès le début, quoi. Hein. C'est la même gestion que l'équipe de Rennes, C'est cette équipe ça. de Bordeaux. Hein, Soporifique. ouais. En plus, ils jouent à domicile. Hein. Ils jouent à domicile le premier match. Ils n'arrivent pas à battre Strasbourg, qui a fait une très bonne saison l'année dernière aussi. Alors, Donc, ce qui peut, entre guillemets, si on peut faire l'avocat, entre guillemets, du diable, ils ont joué jeudi en Coupe d'Europe en Ukraine. Mais bon, normalement, ils sont professionnels, ils sont censés faire une bonne prestation. En plus, ils ont joué dimanche contre Strasbourg, qui n'est pas non plus une grosse équipe de Ligue 1. Mais bon, bah, Strasbourg, ils se sont montrés beaucoup plus réalistes. Et ils démarrent parfaitement leur premier match. Je sais pas, j'ai pas envie de m'attarder dessus parce que Bordeaux, on est habitué à ça. C'est un peu comme Rennes, on est habitué à ce que Bordeaux fasse de mauvaises prestations en Ligue 1, quoi, c'est Ah, tout, hein. c'est reparti. Et C'est puis, reparti, hein. quand tu vois un joueur aligné comme Plasil, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 55 ans aujourd'hui. Mais il y a un Ouais, il doit pro. avoir 36, hein, à Non, mon mais avis, hein. il y a un problème à cette équipe-là. À Bordeaux, il n'y a pas de recrutement. On ne sait pas qui est le président. On ne sait pas si le club va être Ah, il a vendu. 36 ans, hein, il a 36 Ouais, ans. le club, on sait. Il a joué la finale de la Champions League avec Monaco, je crois, en 2004. Ah, c'est Enfin, possible, il était ouais. dans l'effectif au moins, je crois. Et là, regarde. Je veux dire, Bordeaux, en 2018, ils ont pas de. Ils n'ont pas de, comment dire, d'objectif sportif. Actuellement, il n'y a pas de président, il n'y a pas de repreneur. On ne sait pas ce qui va se passer dans ce club-là. Le stade, il n'est jamais rempli. On se demande vraiment qui est intéressé par cette On nous dit équipe-là. que ça va être repris par les Américains, mais Alors, bon c'est un peu courage. au point mort. Bon courage. Je sais pas comment ça va se terminer. Tant mieux hein, si le Bordeaux est repris, parce que t'as quand même envie de retrouver un Bordeaux compétitif, hein, avec un Bordeaux avec un fond de jeu beaucoup plus intéressant que ce qu'il montre actuellement. Mais là, ça va être encore une saison qui se suivra et qui se ressemblera par rapport aux autres années d'avant, quoi. C'est ça qui est con. Et t'auras beau changer d'entraîneur, ce sera exactement pareil à chaque fois, quoi. Ouais. Puis Jimmy Briand qui était pas titulaire non plus dans ce match-là, hein, qui était remplaçant. Alors on se demande pourquoi il a changé de club, hein, si c'est pour être sur le banc de touche. Bah, si c'est pour être sur le banc de touche direct, ouais, je sais pas trop, je sais Ouais. pas. Enfin voilà, donc Bordeaux qui perd 2 buts à 0, puis on arrive eh ben, au match du PSG hein, face à Caen. C'était le match canal de soirée. Et Paris qui a battu Caen 3 buts à 0. Paris qui a pas du tout peiné parce que bah, c'est les Canets qui ont donné les buts aux Parisiens, tout simplement. Hein. Ouais, et là, c'est un peu ça la déception de la soirée pour les supporters parisiens, parce que finalement tu t'attendais à ce que le PSG maîtrise son sujet et empile les buts d'une manière appuyée, mais tu te retrouves avec deux buts donnés par un gardien de camp qu'on verra jamais, je pense, si jamais l'entraîneur a une conscience professionnelle pour sa vie. Attends, écoute bien, de toute façon, Bielsa, il a jamais voulu le faire jouer. Ouais. Garcia, il l'a fait jouer peut-être une fois, et encore, non, il l'a même pas fait jouer du tout. On sait pourquoi, hein, finalement, hein, parce que franchement, ce gardien-là, c'est une doublure, voire voire même un troisième gardien. On comprend pourquoi il a jamais pu percer dans un club, hein, parce qu'il n'a pas du tout le niveau. T'as vu ses relances, mais c'est pas possible. Mais comment il est devenu professionnel déjà ? Et voilà, déjà, enfin. C'est fou, quoi. Enfin, je comprends pas. Après, dans le jeu, regarde, ils ont jamais été non plus. Ils ont eu une occasion, là. Il y a eu une demi-volée là d'un joueur qui a un petit peu inquiété le gardien parisien, mais je regarde Brice Samba, regarde. Domineuse Ligue 2, il a été au Havre de 2009 à 2012. Il a joué aucun match. Il est arrivé à l'OM. Il a joué un match 2013-2014, un match de Ligue 1, il a joué 68 minutes de jeu. Non, il a joué il a joué 68 minutes de jeu. Il a été prêté à Nancy la saison 2015-2016, il a joué deux matchs en Ligue 2. Hein ? Et après, l'année dernière, il a fait quatre matchs et là, il a fait un match. Mais c'est pas possible. Non, mais comme quoi les coachs par qui il était passé, ils sont pas tous fous, quoi, de pas le mettre sur le terrain. Même à Nancy, il a pas réussi à s'imposer, quoi. Ouais, non, mais c'est. Après, moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu pour les Canets aussi, c'est que quand t'entends le coach de Caen qui parle à la télé sur Canal, il a pas l'air très lucide, hein, de ce qui s'est passé sur le terrain. Mis à part dire voilà, on leur a donné un but en première mi-temps, ok, ouais. Mais dans le jeu, Caen, c'est très inquiétant dans le jeu Caen. Quand on sait que l'année dernière ils ont fait une bonne, enfin surtout il y a deux ans ils ont fait une bonne saison, même ouais. Si à chaque fois ils jouent le maintien, hein, quand c'est une équipe qui aura dû descendre l'année dernière pratiquement. Ouais, déjà. Ouais. Donc, mais bah, c'est grâce à Paris que qu'ils sont restés parmi eux. Ils ont pas l'air lucides, hein, nos amis Canets, avec tous leurs joueurs qu'ils ont changé également. Bon, t'as Ninga qui est là. Qu'est-ce qu'il y a en défense, t'as Genevois, ouais. Alors. Armougom, je ne l'ai pas trouvé mauvais, mais est-ce que c'est un vrai défenseur? Je ne sais pas. Non, mais bon, je ne veux pas être méchant non plus, mais c'est une équipe vraiment con. C'est un prototype, je veux dire. C'est pas une équipe encore. Hein. C'est des joueurs placés là, par-ci, par-là, mais c'est pas un collectif. Donc, et puis, voilà, si tu veux parler du PSG, bah, le PSG a aligné sur le terrain des jeunes. Alors ça, c'est une très bonne chose, je trouve, que Thomas Tuchel a mis en place par rapport au début de saison avec les tournées un peu superficielles en Asie, ou je sais pas où, où ils ont mis des jeunes sur le terrain et ils en ont profité justement par rapport aux absents du début de saison, des joueurs du Coupe du Monde, etc., de mettre... deux jeunes en défense, Dagba et Nsoki. Alors moi, sincèrement, quand j'ai vu la compo d'équipe sur l'écran géant, je me suis dit, attends, c'est une blague ou quoi? Ouais, ils vont pas... c'est vrai qu'au début, ça fait drôle. Hein. C'est genre, ils ont pris un mec dans les tribunes parce qu'il a gagné au tirage au sort. Tiens, tu vas être sur le terrain. Ça me disait strictement rien, Nsoki, hein, franchement. Ouais, comme tu dis. Et puis, finalement, ça a fonctionné parce que Caen est faible. Bah voilà. Et puis, après, contre des grosses écuries, je sais pas si... Je pense pas qu'il aligne ça d'entrée. Hein. Ouais. Mais bon, ça a bien joué, ça a bien pris aujourd'hui, hier, parce que voilà, quand ils ont strictement rien montré. Voilà, après, je trouve qu'Nkunku, hier, il était un peu pâteau devant le but. Hein. Nkunku, il aurait pu marquer plus d'une fois. Ouais. Après, bon, bah voilà, on s'enthousiasme de Neymar. Mais bon, bah, le but qu'il a marqué, c'est parce que Samba a pas du tout relancé correctement son ballon. Mais après, Neymar, t'as trouvé comment hier, toi? Je l'ai trouvé un peu enrobé, moi. C'est étonnant que je dise ça. Mais je l'ai trouvé ben, un peu... Tu sais que, ouais. Non mais sans déconner, j'ai trouvé qu'il... Je le trouve pas avec le double menton comme avait Payet. Ouais. Je le trouve un peu lourd sur le terrain par contre. Ouais, je trouve qu'il est pas, affûté. C'est-à-dire que tu vois qu'il peine, à faire certains trucs. Comme si physiquement, c'est pas un mec qui travaille beaucoup. Et de toute manière, ça c'est un des trucs dont on parlait souvent. Hein, tu sais, quand on disait que les joueurs techniques, si à un moment donné, ces mecs-là, quand ils vieillissent, ils travaillent pas... Eh ben leur technique, ça va pas suffire. Parce que terminer la saison comme a fait Cristiano Ronaldo en faisant un travail physique énorme sur son corps pour garder son niveau technique... Oh, mais moi, pour moi, il n'y aura personne... Non, mais j'adule pas hein, Ronaldo. Hein, ouais. Mais pour moi, il n'y aura pas un joueur aussi professionnel que lui. Ouais. Ça va faire drôle. Quand il va partir, on ne verra pas d'autres joueurs aussi professionnels que lui. Neymar, ça va faire comme Messi, quoi. Tu vois, ça va être le mec qui est super bon, mais qui va pas... essayer de s'entraîner mieux, ouais. D'essayer de faire mieux que ce qu'il peut faire, quoi. C'est ça, il va rester sur ses acquis, il va y arriver, mais tu vois, il va mal vieillir, Neymar, ouais, malheureusement. Ouais, il va mal vieillir, ça va faire, ouais. Comme, ça va faire comme ouais. Messi, quoi. Mais là, tu vois, hein, même sa Coupe du Monde, et, parce que là, quand même, il avait la chance de montrer. Malgré sa blessure, bien sûr, hein. Mais il avait la chance de montrer qu'il pouvait être un très grand joueur à une Coupe du Monde, à la télé, devant tout le monde, le monde entier, de jouer. Ils ont été en quart finale, je crois, c'est ça. Ouais. Il avait la possibilité, ben il a rien montré encore. Il a perdu énormément de crédit, quoi, avec ses simulations à deux balles là. Énormément de crédit, quoi. Ouais, et puis il suffit que cette année Paris. N'est pas forcément besoin de lui ou que ça soit un poids dans l'équipe à un moment donné de la saison, Neymar, pour franchir un gros en Champions League. Je pense que là, Neymar, déjà au niveau de son crédit d'avoir choisi un club, un championnat en Ligue 1, ça a fait baisser son image dans les autres pays étrangers déjà. Parce qu'ils se sont dit, tiens, il va là-bas pour l'argent, il veut pas avoir le challenge sportif, etc. Il veut pas la concurrence du Barça. Pour avoir le ballon d'or, etc. C'est ça. Il veut choisir la facilité hein, tout seul dans un club. Et ça peut se retourner contre lui. J'ai l'impression qu'il ne l'aura jamais, d'ailleurs, le ballon d'or. J'ai de plus en plus l'impression aussi. Hein. J'ai de plus en plus l'impression. Hein. Donc, Neymar, va falloir qu'il fasse... Pour moi, c'est vraiment cette année-là, c'est une époque charnière vraiment pour sa carrière. Si cette année, après la Coupe du Monde, il n'arrive pas à remonter le niveau et porter l'équipe du PSG plus loin en Champions League... Franchement, sa fin de carrière, il va falloir qu'il rebondisse déjà dans un autre club, un autre championnat pour se revaloriser auprès justement des grands clubs européens. Et ça va moi, être compliqué. Hein. Tu voyais le Real qui avait presque envie de Neymar, il l'aurait voulu. Je pense que s'il avait fait une très bonne Coupe du Monde, ouais. Même qu'il soit arrêté en quart de finale, mais qu'il aurait fait une très bonne Coupe du Monde, qu'il aurait pas fait son chichi à deux balles. Je pense que le Real aurait eu des yeux sur lui et je pense qu'ils auraient tout fait pour le prendre. Pour moi, Neymar, c'est un mec qui va retourner à Barcelone parce qu'il n'y aura pas d'autres clubs qui voudront de lui, en fait. Mais il y a un gros souci, de toute manière, avec le directeur sportif du Barça actuellement. Depuis un ou deux ans, le recrutement n'est pas bon au Barça. Oui, t'as vu, c'est qui est parti, du coup, qui était arrivé au Barça, qui est reparti en Chine. C'est Paulinho, non? Ouais. Ouais, Paulinho, il est reparti en Chine parce que il se sentait pas du tout à l'aise au Barça. De toute façon, il a fait combien de matchs, Paulinho? Il n'en a pas fait énormément non plus, quoi. Pourtant, il n'a pas été mauvais. Hein. Il n'a pas été mauvais, ouais, mais tu vois, il préfère. Non, mais il faut le faire quand même. Il préfère retourner en Chine dans un championnat, mais qui est corrompu jusqu'à l'os. Et il préfère repartir là-bas, quoi. Enfin, c'est quand même dingue, quoi. Hein. C'est fou. Et pour moi, je te dis, le Barça, avec tellement qu'il a. Un directeur sportif qui est mauvais, bah pour moi, il serait capable de reprendre Neymar. Et Neymar serait capable d'y retourner parce qu'il n'aura pas d'autre solution que de retourner dans un grand club. Il n'y aura pas d'autre... le Real, ils vont pas vouloir le prendre de toute façon, Neymar. C'est fini, hein. À moins qu'il fasse une très très bonne saison cette année. Mais... J'ai du mal pour lui, pour son futur, quoi, en fait. Ouais, bah comme on a dit, hein, là, cette année c'est très important pour Neymar. Hein. Ouais. Il faut vraiment qu'il se remonte les bretelles et en Ligue des Champions, qu'il soit bon, ouais. Voilà. Quoi. Et pas bon contre le Celtic ou Anderlecht, ça veut rien dire ça. Ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce qui devient J'ai perdu, j'arrive pas, c'est que je suis tellement naze que j'arrive pas à retrouver mes mots, quoi, le nom des joueurs. L'attaquant uruguayen. Cavani, il est blessé. Cavani, ah, il est blessé, ouais, ouais, d'accord. Dans cette composition d'équipe, hier, Cavani, ouais, n'était pas là parce qu'il est un peu juste par rapport à sa blessure musculaire. Et ouais. Il avait besoin d'une semaine pour être certain de ne pas rechuter derrière. Un peu comme Verratti, etc. Donc il n'y a pas de rumeur de transfert avec Cavani, je pense pas. Cavani. Non, ouais, je il pense va rester pas. Encore ouais. Une saison. Je pense pas. Je verrais plus un Rabiot partir, moi, comme j'avais dit. Mais bon, après, t'as pas mal de gens, de supporters qui voudraient garder Rabiot. Mais si, alors, il y a un petit truc. Hein, je sais pas si vous avez fait attention en regardant le match à la télé hier ou si vous avez suivi. Au stade le match, mais Rabiot a été sifflé légèrement à la composition des équipes sur l'écran géant. Mmh. Et parfois quand il touchait la balle aussi. C'était plus notable en deuxième période, surtout quand il touchait le ballon, il était un peu sifflé parce qu'il y avait moins d'ambiance au parc. On l'entendait mieux. Donc il y a une partie des supporters, je pense, qui n'aiment pas le fait qu'il soit tous les ans en train de vouloir revaloriser son contrat, etc. Et d'autres qui se disent attendez, on va pas le perdre parce que si on le perd, il n'y a plus personne au milieu de terrain. À Paris, ils aimeraient bien le garder de toute façon, Rabiot. Hein, pour eux, c'est un joueur d'avenir. Mmh. Après, faut voir lui ce qu'il pense de Paris. Est-ce que pour lui, Paris, c'est son club d'avenir ou est-ce que pour lui, il faut qu'il parte dès cette saison ou dès la saison prochaine? C'est pareil, lui, avec ce qui s'est passé en équipe de France, il a perdu énormément de crédit aussi. Hein. Ouais, lui, sa carrière va prendre un coup dans l'aile s'il atterrit en Angleterre à Wolverhampton ou je sais pas. Je ouais, pense pas qu'il atterrisse là-bas, mais même s'il va au Milan AC par exemple, tu vois, où le Milan a donné beaucoup d'intérêt pour ce joueur-là, là je pense qu'il ferait une grosse connerie aussi. Ça fera un Gourcuff numéro 2, quoi, en fait. Ouais, ouais. Mais Gourcuff, il est à Dijon là actuellement, là où. Ah, je sais pas où il est, Gourcuff. Ah, je peux pas te dire, tu vois, j'ai même pas suivi. Ouais, je crois qu'il devait quitter Rennes de toute façon. Ouais, donc non, mais pour revenir sur le match hier, c'était une soirée sans. On va dire que l'intérêt c'était surtout de voir la Coupe du Monde au Parc des Princes avec Mbappé, Kimpembe et puis Areola. Areola aussi qui sera sûrement sur le départ si jamais Buffon est confirmé numéro 1, moi ça me fera toujours halluciner cette histoire. Moi je trouve que, enfin moi pour moi c'est une grosse erreur. J'ai beaucoup de respect pour Buffon, mais je pense qu'ils auraient dû miser plutôt sur Areola. Je sais que l'année dernière elle a pas forcément été bon tout le temps, enfin quand il remplaçait l'autre gardien, mais moi, je pense qu'il faut donner sa chance à Areola. C'est un joueur d'avenir, ce mec-là. Il est champion du monde. Ok, il a joué aucun match. Mais pour moi, c'est une grosse erreur d'avoir pris Buffon. Il va peut-être faire une bonne saison. Hein. S'il y a les défenseurs qui sont là, il va peut-être pas beaucoup toucher de ballon, Buffon. Mais je trouve que c'est un peu un manque de respect à Areola. Je pense que lui aussi pensait qu'il allait enfin pouvoir s'exprimer pleinement en Ligue 1. Et si c'est vrai que Buffon est confirmé vraiment toute la saison, il va, de toute façon, il l'a dit, il resterait pas. Hein. Ouais, il n'y a aucun intérêt pour lui de faire ça. Lui, par contre, je le vois bien atterrir encore une fois. En Angleterre, ça va être difficile parce que leur mercato est fini en Angleterre. Mais je le vois bien là en Italie, lui, par exemple, tu vois. Peut-être, ou en Espagne, hein, je sais pas. Hein. Ouais. Enfin voilà, donc pour la Ligue 1, pour le moment, Marseille est premier, suivi de Paris, Marseille et Lille. Voilà, les gros ont gagné, hein, mais sans peiner. Hein. C'est ça qui est fou quand même dans cette première journée. C'est qu'il n'y a pas eu de faux pas, quoi, en fait, tout simplement. Et donc, la deuxième journée, on retrouvera dès vendredi Reims contre Lyon. Ensuite, samedi, on aura droit à Guingamp PSG à 17h. Ce sera le match canal. Amiens-Montpellier, Caen, Nice, Dijon, FC Nantes, Monaco-Lille, Rennes-Angers, et dimanche, on aura droit à Strasbourg-Saint-Etienne, Toulouse-Bordeaux, et le match canal de 21h, ce sera Nîmes-Marseille. Le match d'ouverture, c'était Manchester-Leicester, hein, Mourinho contre notre ami Claude Puel, et victoire de Manchester de Buzyn, avec le but inaugural, c'était Paul Pogba qui a marqué sur penalty. Et victoire de Manchester 2-1 hein, contre Leicester. Voilà, bon, qu'est-ce que tu veux dire sur ce match-là? Pas grand-chose, parce que c'est pas un match que j'ai suivi. J'ai du mal avec Manchester et Mourinho. Donc, C'est compliqué, hein. Franchement, moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec, avec Mourinho. Ouais. Par contre, je peux plus te parler d'Arsenal City. Eh ben là, bah, si tu veux, on va en parler. De toute façon, après les autres matchs, c'est beaucoup moins intéressant. Liverpool qui a battu West Ham 4-0. Mais voilà, donc Manchester City qui se rendait à Arsenal. Pour moi, je pensais que ça allait être un match disputé avec Unai Emery qui a repris cette équipe d'Arsenal. Mais finalement, on se rend compte que Arsenal, c'est un peu l'ombre que ce que proposait Wenger, et Manchester City qui bat Arsenal 2-0. Ouais. Bon. C'est un match assez, on va dire, assez catastrophique pour le début de saison d'Arsenal. Parce que, on va dire que, après le départ de Wenger, t'as pas mal de supporters qui étaient dans l'espérance, justement, d'avoir des nouveaux joueurs sur le terrain, que Wenger ne voulait pas forcément recruter, et d'avoir l'espérance d'avoir un système de jeu beaucoup plus réaliste par rapport à l'adversaire que Arsenal aurait, et que justement, tu puisses, en tant que supporter d'Arsenal, espérer jouer le titre enfin cette année. Et tu te retrouves avec une composition d'équipe assez hallucinante qu'Unai Emery nous a faite pour les supporters d'Arsenal, avec un Guendouzi au milieu de terrain et un Xhaka qui a été pas forcément bon à cette Coupe du Monde non plus, et depuis 2-3 ans, depuis 2 ans, Arsenal qui est pas bon du tout non plus. Ouais, Ozil qui est le fantôme de lui-même, depuis un moment, qui a subi les critiques avec l'équipe d'Allemagne justement en étant un peu exclu du pays parce que c'était un émigré, etc. Il a reçu beaucoup de critiques et qui lui ont fait très mal. C'est un truc de dingue, cette histoire. Ouais, des critiques qui lui ont fait très très mal, et il est pas au milieu de sa forme, et ça arrange pas son niveau sportif également après cette Coupe du Monde ratée avec l'Allemagne. Et Aaron Ramsey au milieu de terrain, Mkhitaryan à gauche et Aubameyang en pointe. Alors, on n'a pas vu Lacazette et Aubameyang avant un certain moment côte à côte durant ce match-là, mais t'as Arsenal qui joue à domicile et qui joue pratiquement en 5-4-1. 5-4-1, c'est beaucoup, mais on va dire avec vraiment 4 défenseurs bien alignés et 2 défenseurs juste devant eux pour contrer les attaques de City. Donc, il y avait un gros sentiment de peur déjà à Unai Emery de se prendre une valise à domicile. C'est ça. Et on va dire que City a juste eu besoin d'être patient et de concrétiser les contres, parce que finalement la possession de balle, ça servait à rien de l'avoir, parce que Arsenal était tellement pas bon en attaque que t'avais aucun danger à courir dans ce match là et vraiment, je trouve vraiment dommage qu'on se retrouve encore une année pour Arsenal où le recrutement n'est pas là. On cherche pas de grands joueurs à Arsenal. On veut rester un peu avec ce qu'on a, et justement les propriétaires américains, je pense qu'Arsenal, ils ont besoin de se faire un peu souffler dans les branches là par les supporters. On a viré Wenger, mais est-ce que le vrai problème, c'est pas les dirigeants américains de ce club? T'en penses quoi, toi? Ouais, c'est possible, Mais quand tu regardes le stat, t'as que 3 tirs cadrés pour Arsenal sur 9 tirs, c'est peu. Ouais. 9 tirs, c'est pas beaucoup, quoi. Non. Quand tu vois Manchester, ils ont eu 17 tirs, 8 cadrés, quoi. Ben, tu te dis qu'il y a quand même un souci. Alors, c'est que la première journée. Mais franchement, en fait, t'as l'impression que Wenger est pas parti, quoi, en fait. Hein. Ouais. Donc, c'est ça le souci. Donc, est-ce que sincèrement, le problème, ça venait vraiment de Wenger qui faisait avec ce qu'il avait? Pas forcément. Ça vient du recrutement qui est pas bon, quoi. Ils ont pas. Ça fait combien de temps qu'ils ont pas eu une vraie star à Arsenal? La dernière, c'était Ozil. Ozil. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Hein. Mais après, ça fait longtemps qu'ils ont pas acheté la vraie star, parce que, excuse-moi, Lacazette, pour moi, ça fait pas partie des stars pour le moment. C'est un bon joueur, mais ça s'arrête là, quoi. Ah, Lacazette qui a fait une bonne entrée, parce qu'il a, il a eu une action. Enfin, c'est tout ce qu'il a fait, attention. Il a peut-être joué 20-25 minutes, mais tout ce qu'il a fait, c'est une bonne frappe à ras du poteau sur une belle action. Mais sincèrement, On lui demande un peu plus, je pense, à Lacazette de défendre, de voilà, c'est pas un Cavani Lacazette non plus, mais avec le coffre qu'il a, je pense qu'il peut faire plus Lacazette. Bien sûr. C'est pas un avant-centre à la Trezeguet, Lacazette. Je pense qu'il peut faire plus que ça. Là. Et pour moi, il y a quand même Aubameyang. Pour moi, c'est une erreur monumentale d'être venu à Arsenal. Ouais. tu le vois comment, toi, Aubameyang, cette saison à Arsenal? Cette saison, ça va être à l'image d'Arsenal. Je pense que si Arsenal est pas bon, il va pas être bon du tout. Il va peut-être se démarquer pendant quelques matchs. Mais pour moi, ça va être une saison pourrie qu'il va faire et je pense qu'il va se barrer à la fin de la saison. Peut-être à l'hiver aussi. Ouais. Non, peut-être à la fin de la saison. Un projet sportif. Projet chinois à tous les coups. Hein. Lui, je le vois pas aller. Tu vois, je le vois pas du tout aller en MLS. Lui, je le vois bien aller en Chine ou pourquoi pas terminer aux Émirats ou au Qatar, quoi. Tu vois. Ouais, c'est plus. Mais pour moi, il a foiré sa carrière. Il aurait jamais dû aller à Arsenal, Aubameyang. Ouais. Dortmund, c'était tellement bien. Pourquoi changer, je veux dire. Bah ouais, mais c'est sûr. Quand tu vois qu'en plus Batshuayi, il a réussi à bien jouer à Dortmund, pour moi, il aurait eu encore sa place à Dortmund. Hein. Je vois pas pourquoi il est parti. Hein. Je pense pas que Aubameyang, il ait le niveau pour jouer en Angleterre. C'est pas du tout son style de jeu, l'Angleterre. Pour moi, le championnat allemand, ça lui convenait amplement, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et le milieu de terrain, moi, d'Arsenal, le joueur qui m'a vraiment choqué, c'est Guendouzi. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce joueur? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais d'où il sort? Mais c'est une catastrophe, ce joueur. Bah, c'est le mec, il était à Lorient, en fait. Et je comprends pas. Je ne comprends pas. Ça, c'était encore une patte de Wenger qui a dû le vouloir avant qu'il. Enfin, il a dit je me barre, mais essayez de le prendre. Mais ouais. Ce mec-là, c'est quoi? Ce mec-là, il était à Lorient avant, mais qu'est-ce qu'il a fait à Lorient? Il a pas fait grand-chose à Lorient, je suis désolé. C'est un joueur qui a 19 ans, c'est tout, mais. Ça, parce qu'il a. Il a dû avoir 2-3 sélections en équipe de France. Ok, mais excuse-moi, pour moi, ce mec-là, il a pas. C'est trop tôt pour qu'il aille en Angleterre. Attends, tu passes de la Ligue 2 en première ligue. À titulaire mais à Arsenal. Je sais même pas s'il y a eu d'autres Français qui ont fait ce truc-là, mais il doit y avoir très très peu de personnes qui ont réussi à percer, d'être passé d'un niveau encore plus inférieur à la Championship anglaise. Je suis désolé, mais pour moi, il est pas prêt ce joueur-là. Il va se brûler les ailes. Hein. Et après, tu vas le voir où? Il va aller à. Je sais pas, il va se retrouver peut-être en 4e ou 5e division anglaise, ou alors il va partir je sais pas où parce qu'il n'arrive pas à trouver de bons clubs. Enfin, pour moi, il est parti trop tôt à Arsenal. Ah, c'est évident, il est parti vraiment trop tôt. Et les mecs, ils ont l'impression de se dire, attends, c'est Arsenal, bah ouais, il y a Thierry Henry qui y a joué, il y a Pires, il y a Vieira, mais attends, c'était quand? Il y a 20 ans de ça. Ah, puis enfin, c'est d'autres postes. Thierry Henry, quand il arrive à Arsenal, n'était pas titulaire, hein, il était remplaçant de Bergkamp et des autres. Donc faut pas non plus mélanger les générations de joueurs et les postes, etc. Je pense que là, Unai Emery, là, comme quand je te dis qu'il a fait une grosse erreur tactique sur ce match-là, c'est qu'à un moment donné... Il sort Ramsey juste avant le deuxième but et t'as notre ami Xhaka qui a pris un carton jaune, qui est très énervé pendant ce match-là et qui est très mauvais aussi, qui rate beaucoup de passes, des passes faciles, soi-disant les passes éclairs dont parlait Wenger à la Coupe du Monde, qui m'avait fait sursauter sur mon canapé là. Enfin, Wenger, qui n'arrive pas du tout à destination, quoi. Déjà qu'il était pas bon sur TF1, Wenger sur Mail, il a été pourri aussi. Hein. Ouais, et donc voilà, si tu veux, il sort un joueur qui est plutôt bon sur le terrain et utile comme Ramsey, et il laisse Xhaka qui est mauvais, qui a un jaune. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un but qui arrive juste après pour City, parce que Xhaka ne peut plus défendre comme il a fait en première période, vu qu'il a déjà un jaune, et s'il s'en prend un deuxième, il sort. Donc il y a un gros problème au milieu de terrain, et il n'y a plus de meneur de jeu qui était un peu le rôle de Ramsey pour donner les ballons à Aubameyang. Je veux dire, tactiquement, c'est une n'importe quoi, ce match. Tu mets Guendouzi, qui je pense qu'il a jaugé ce joueur sur la valeur en équipe de France U20. Mais à quel moment tu compares ce C'est joueur-là ça. à des titulaires en première ligue actuellement? Et je pense que City, s'ils avaient été plus méchants ou plus dans la saison, dans les, si tu veux, après la trêve de l'hiver ou avant l'hiver, où justement City est en pleine bourre, ça aurait pu faire 3, 4, 5, 0. Ouais, c'est ça. Catastrophique. Mais là, on va voir cette année si vraiment Unai Emery, c'est un très bon entraîneur. Parce que c'est vrai que l'année dernière, il avait Paris. Bon, ben voilà, Paris, excuse-moi, c'est la meilleure équipe en France. Il avait vraiment l'effectif pour surclasser le championnat de France. Là, il va vraiment tomber contre. Ça va être complètement une autre paire de manches pour lui. Parce que voilà, il va tomber vraiment contre des équipes beaucoup plus fortes. Et on va voir ce que. Si c'est vraiment un bon entraîneur, Unai Emery, parce que bon, on en avait beaucoup parlé l'année dernière, c'est peut-être un bon entraîneur, mais là, on va voir ce qu'il va vraiment donner, quoi. Et j'ai pas l'impression que ça va être vraiment facile pour lui, hein, cette année, hein. Surtout. Non, non, mais Arsenal, c'est compliqué de toute façon. Faut reprendre. Tu reprends un club quand même qu'un mec a dirigé pendant 22 ans, quoi. Donc, ça va être dur de passer derrière lui, hein. Tu passes derrière une légende du club et les gens sont habitués entre guillemets au succès, sauf l'année dernière où ils n'ont pas accroché la Champions League ni l'année d'avant. Ouais. Mais c'est des joueurs qui, c'est des supporters qui sont assez exigeants en dehors du stade, mais comme on a dit, à l'intérieur du stade, tu n'as pas un public qui Et supporte son voilà, c'est équipe. ça, c'est que c'est plus le public que tu avais fin 90 ou même mi. Bah, en fait, dès qu'ils ont quitté Highbury, hein, de toute façon, c'est devenu autre chose, hein, c'est devenu pas pareil Arsenal finalement. Hein. Tu as un public qui quitte le stade 10 minutes Voilà. avant la fin, dès qu'il y a 2-0. Tu as des supporters asiatiques qui viennent en bus d'Asie, qui sont parqués derrière les buts, dans les virages, comme Voilà. si c'était des ultras. Et c'est un public vraiment faible qui soutient pas C'est pas des l'équipe. vrais supporters parce Mais que non. un supporter anglais, même à 2-0, il sera encore derrière son équipe, il restera même 10 minutes après pour chanter des trucs comme ça. Là, c'est vraiment du football C'est Disneyland, l'Emirates Stadium. bling bling, ouais, voilà, c'est Ouais. ça, ouais. Et malheureusement, les vrais supporters qui peuvent pas se payer le billet pour aller à l'Emirates toute l'année, ils se le partagent entre supporters avec la carte, Un etc. peuple, ouais, Mais ils voilà. sont placés où, ces gens? Ben, ils sont placés le plus haut possible dans le stade parce que c'est les places les moins chères. Et C'est les ça. vrais supporters, ben, ils sont pas au bord de la pelouse en train de chauffer leurs joueurs, quoi. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles Arsenal ne finit pas ses matchs. Parce que sincèrement, quand il reste 10 minutes à jouer, combien de fois t'as vu un club anglais revenir au score dans une grande compétition? Ça arrivait une centaine de fois, des milliers de fois. Bien sûr. Bien sûr, un club anglais, c'est même réputé pour revenir dans les arrêts de jeu à chaque Il fois. n'y a plus de fighting spirit à Arsenal, il n'y a plus Hein. Ah rien. Donc moi franchement, je serais supporter d'Arsenal. J'aurais les boules quoi actuellement aujourd'hui. non. Le mercato est plié et tu as ça sur le terrain. Voilà. Tiens, c'est pareil, ça t'as vu le mercato qui est quand même vraiment qui s'est arrêté très tôt, quoi. Je Et sais ouais. pas pourquoi, hein. Bah, c'est une question, je pense, d'éthique par rapport. Ils veulent fermer leur ligue, je pense. Ouais. Et avoir l'exclusivité aussi, tu sais, des plus gros transferts. Donc, ils veulent fermer un peu leur championnat aux autres clubs européens pour pas se faire piller après le début de saison, quoi. Ouais, enfin, regarde, il y a qui comme gros star qui est arrivé Bah, ils les ont en déjà Angleterre? toutes. Ils les ont Bah déjà. ouais, voilà. Ils ont pas Messi et Ronaldo, c'est tout, quoi. C'est ça, hein. Et puis après, bah, t'as des petites équipes comme Fulham, Huddersfield qui achètent pour plus de 60 millions d'euros de joueurs et puis qui vont terminer. Tiens, Huddersfield, ils ont perdu aussi, quoi. Enfin, Et comme par c'est hasard, tu vraiment sais, bizarre cette première ligue. comme par hasard, ce lockout du mercato en Angleterre arrive à une période où tous les anciens grands joueurs à l'étranger, comme Iniesta, Xavi, ne sont plus là. Ouais. Et tu as l'impression qu'ils ont un peu décidé ça sur 1 ou 2 ans après justement le départ de ces grands joueurs à l'étranger, en se disant, bon les gars, on a les meilleurs joueurs dans notre championnat. L'intérêt pour nous, c'est de les garder et on ferme le championnat assez rapidement pour pas justement qu'il y ait plus de tractations avec les agents Voilà. et moins de temps pour les clubs étrangers de réagir après la fin de leur championnat. Donc finalement, ils se retrouvent avec un championnat fermé, avec leurs gros stars et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire à Ouais, l'avenir. ça va tuer le football de toute façon, parce que je sais pas comment ça va se passer. On va se retrouver avec des grosses stars, mais en fait, le championnat il va devenir nul, quoi, parce que T'as plein de joueurs qui vont partir en Angleterre, ils vont jouer quelques matchs. Tu vas te retrouver avec des équipes comme West Ham, là, tu vois, ils sont pris 4 buts, je crois, ils ont perdu 4-0. Ça va être dégueulasse cette première ligue, c'est dommage parce que c'est quand même un championnat qui faisait rêver dans les années 90-2000. Ça va devenir un championnat complètement pourri. Et pour moi, ça va être l'Italie qui va récupérer les meilleurs joueurs dans le futur. Tu penses, ouais. Ah ouais, je pense. Faut voir. Non, ça, je pense pas que ça soit, ça sera mauvais au point où tu dis, mais je pense que, comme on le disait au début de l'émission, c'est que tu auras une saturation des petits clubs par rapport à la gestion des transferts, etc., qui pourront plus investir autant que les gros de Première Ligue. Et on risque d'avoir ce décalage entre les petits et les gros clubs en Première Ligue assez rapidement dans les deux ans à venir. Parce que là franchement, faut s'accrocher hein, pour t'acheter les services de joueurs à 35-40 millions qui sont vraiment très moyens ou pas utiles. Comme tu dis, à Huddersfield, etc., on a empilé des joueurs à je sais pas combien et finalement tu te prends 4-0 la première journée. Quel est l'intérêt, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Mais regarde, on reparle de Guendouzi là. S'il reste Arsenal qui n'y arrive pas, mais qui va vouloir l'acheter parce qu'il va être tellement cher? À part des équipes de Moyen-Orient qui pourront se le payer, qui d'autre va pouvoir se le payer, ce joueur-là, quoi? Surtout s'il n'est pas très bon, quoi. Bah, de toute manière, lui, il risque de finir au bout de 3-4 mois, voire à l'hiver, là, de partir directement en Liga, à Celta Vigo ou en Championship assez rapidement et de ne pas jouer là-bas. Parce que t'as plein de joueurs à Arsenal qui n'ont pas le niveau. Hein. C'est la vérité d'aujourd'hui, c'est que c'est assez catastrophique. Hein. Là aussi, le directeur sportif, il a des soucis à se faire, hein, parce qu'il n'a pas été assez réactif pour prendre des joueurs après la Coupe du Monde assez rapidement. Hein. Là, c'est assez pareil, Arsenal, Petrocek, c'est pareil, au bout d'un moment, bah, faudra lui dire écoute, t'as beaucoup donné pour le club, mais je pense qu'il faut laisser ta place maintenant. Le gars, il a 36 ans maintenant, quoi. Je pense que Ospina, il mériterait amplement de faire une saison entière que Petrocek, quoi. Mmh. Ah, mais de toute manière, à Arsenal, t'as des joueurs en défense comme Mustafi, et puis, Bellerin, qui sont assez moyens au final, hein, qui sont pas des joueurs exceptionnels. Et ça va se ressentir toute la saison contre les gros. Hein. Et là, malheureusement, c'est qu'on est en début de championnat Ils pensent faire mieux Arsenal, mais ça va être de pire en pire les gros vont être vraiment compétitifs tout au long de la saison avec un effectif beaucoup plus fourni. C'est sûr. Bon bah voilà, hein, je sais pas, tu veux rajouter quelque chose sur cette première ligue? Non, pas spécialement, rien du tout, non. Voilà, bon, écoutez, on va s'arrêter là, hein, de toute façon. Bon, c'était un format un peu plus long aujourd'hui. On a passé à peu près d'une heure et demie à parler ensemble. On reprendra sûrement notre format de 40, voire une heure pour les prochains podcasts. Là, c'était vraiment le podcast de reprise. C'était assez tranquille. On a pu développer correctement les matchs. Écoute, je te remercie d'avoir participé à ce premier podcast. La saison 3, on peut l'appeler comme ça, hein, maintenant, la saison 3 de la bande à Baggio. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle session de la bande à Baggio. Merci à toi. Merci à Nico et salut à tous les auditeurs. Passez une bonne soirée. Une bonne soirée et à très bientôt. Salut. Salut.